Do I love Floodcast? Oui. Il s'agit du flow de cast. Il s'agit du flow de cast. Il s'agit du flow de cast. Oui, oh oui, oh oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis Liberté, je suis Égalité, je suis FLORENT. C'est Floodcast, on est ensemble jusqu'à minuit. Moi c'est Florent et je suis pas seul car je suis avec le Méniestrel, Adrien, le seul, l'unique, dit Maître Méniel. Comment ça va? Ouais, on garde les deux doigts dans la prise et puis on est parti pour une fin de week-end tout en douceur. Enfin début de semaine pour vous, parce qu'on n'est pas en direct. Parce qu'on a perdu. Et on pense à vous si vous êtes dans les bouchons peut-être. Là vous êtes en route pour l'école, on vous embrasse. Pour les vacances déjà, les petits chanceux là qui sont déjà en vacances. Et on pense sur la à vous. Route, on est un peu jaloux, mais on pense à vous. On est un peu jaloux, mais on pense à vous. On est ensemble pendant une petite heure. On va prendre vos appels au 01 42 1000 1000 1000 1000. 01 42 1000 1000 1000 1000. Vous avez un problème, on en parle ensemble. C'est Radio Libre ensemble jusqu'à minuit. On va aussi s'écouter un petit son, un petit Oubastank. Oubastank qui joueront au Cosy Musical de Paris. On vous fera gagner des places. Ouais, je crois que c'est un groupe que t'adores, Adrien. Ouais, c'est mon premier slow, ma première galoche. T'as galoché? Comment elle s'appelait, la chanceuse? Ah, la chanceuse, je crois que c'était la chanteuse. Ah, c'est pas du tout une chanteuse. Je suis complètement fou. Et puis quel rapport en plus? Aucun rapport. Elle s'appelait Véronique. En tout cas, on va prendre vos appels et ça commence tout de suite. Allô? Allô, Colline? Salut, bon, ça va? Ça va et toi? T'es dans le podcast, c'est Florent et Adrien. Salut, ça fait plaisir de vous entendre là. Écoute, fait plaisir de t'avoir. Nous aussi, ça nous fait plaisir parce qu'on a galéré à faire marcher ce système d'appel téléphonique. On est content que tu nous entendes en fait. Ah mais je suis la première personne que vous appelez du coup. Absolument. Tout à fait. Techniquement non, on a appelé une personne qui ne nous entendait pas. Du coup on lui a raccroché au nez. On va le rappeler. Mais du coup tu es la première personne enregistrée quoi. C'est vraiment dommage Adrien que t'aies dit aux gens que ça buguait. Parce que je pense que personne n'aurait pu penser ça de nous. Enfin, les gens seraient dit ça. Putain, vous êtes des grands professionnels. C'est ça. Bah, c'est pour ça les gens, franchement les gens auraient gobé je pense. Colline, d'où viens-tu? Pourquoi nous appelles-tu? Eh bien écoute, je viens de Lyon. Ok. C'est une belle ville de France de manière totalement objective. Non, mais bien sûr, les Gaunes, hein, on les connaît, bien sûr. Salut les Gaunes. Les bien Bad sûr. Gaunes. Bien sûr, je connais bien. Les bouchons lyonnais, hein. Qui sont ni plus ni moins juste des restaurants. Arrêtez-vous la jouer. Voilà. On vous appelait ça un bouchon, mais c'est un restaurant, c'est une brasserie. Ou des restaurants bof, d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, c'est totalement. Le Vieux Lyon, sympa, mais n'en faites pas des sympa. Caisses non plus. Mmh. Voilà, en fait. Les boules lyonnaises, bah, c'est de la pétanque avec des boules plus grosses. Ouais. Mais si on adore Lyon. Ouais. J'y suis allé qu'une fois dans ma vie. Ça ah ouais, ouais. Bah reviens. Bah, je fais autre chose que des boules lyonnaises ou aller au Vieux Lyon en mangeant des bouchons lyonnais quoi. C'est ça, mais j'avais passé un assez mauvais moment, mais je pense que c'est. Non, mais c'est pas la faute de la ville de Lyon. La ville n'y est pour rien, Juste moi, je pense, j'étais dans un sale mood. Mais t'es né là-bas, Colline? Non, moi je viens d'une ville à côté de Lyon. D'accord. Qui s'appelle Bourg-en-Bresse. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ne critiquez pas, ville préférée des Français en 2014, d'après France 3. C'est bien, alors, quand c'est en 2014, c'est plus du cul. Hein, c'était il y a quand même 8 ans. Hein. Attends, j'ai calculé vite. Bon, écoute, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, bien sûr. Voilà. Vous l'avez été une fois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas si mal. Et alors, nombre de villes qui l'ont jamais été? Bah, ouais, j'en connais quelques-unes. Des millions. Colline, peux-tu nous dire pourquoi tu nous appelles? Alors. Vous envoyez un petit mail. Bien sûr, alors oui, mais alors, sache que les auditeurs n'ont pas le mail, alors je t'invite à nous raconter. Expose ton souci, ton problème, ta petite tranche de vie, quoi. Je sais pas si les personnes connaissent le concept de Sirius North, êtes-vous des merdes, qui est un concept génial. En gros, on dit un petit peu une histoire et vous devez totalement me juger de manière totalement atroce. Donc tu nous incites à plagier déjà d'emblée quelqu'un d'autre en fait. Tu nous alors appelles pour vraiment, tu t'es pas obligé. Très bien, très bien. Attends, j'ai besoin de faire un truc que j'ai toujours envie de faire. C'est un dommage. Colline, tu peux couper ta radio s'il te plaît? Non, t'as pas de radio, mais c'est juste ça marche bien avec l'émission là. J'ai l'impression d'être D-Fool. Je me régale. Alors pourquoi tu serais une merde, Colline? Alors du coup, j'ai bossé dans une boulangerie. C'était à quelques t'es années. Merde! Grosse merde ça! En fait. Allez, ciao! Allez, on prend notre auditeur! Désolé, ce genre de chiasse humaine, ça n'a pas sa place dans le podcast! La gauche est passée, hein, maintenant, c'est plus la même histoire, hein. Calme-toi! Écoute, j'ai changé maintenant. Ah, okay, très bien. Donc, tu bossais dans une boulangerie? Je bossais dans une boulangerie, j'étais vendeuse. D'accord. Je vendais du pain et d'autres choses. Bien sûr. Oui. Et concept d'une boulangerie, finalement. Voilà, exactement, finalement. Et en fait, je vais vite vous dégoûter des boulangeries, c'est que dans les boulangeries, il y a soit des souris, soit des rats, soit des blattes, enfin, plein de choses dégueulasses. Ouais. Il n'y a jamais un animal sympa ? Genre, je sais pas, une panthère ? Un bébé chèvre ? Des souris, en soi, c'est pas méchant. Moi, j'adore les souris et les rats. Ouais. Ouais, enfin, quand il y en a plein de partout, je te jure que... Tu me dégoûtes. Donc là, il y en avait plein dans ta boulangerie. C'est pareil dans tout le resto, je pense. Il y en avait dans ta boulangerie. À ce moment-là, il y en avait vraiment beaucoup. Quoi. D'accord. On s'en sortait plus. Et du coup, les petites souris, elles faisaient des petits caca, des petits pipi un peu partout et parfois sur les baguettes. Ok, attends, okay. Je sais ce que t'as fait. Il y en a une qui est venue sur ta tête, t'as mis une toque par-dessus et elle t'a appris à faire du pain de façon incroyable, c'est ça ? C'est le film Ratatouille. Ah, pardon. Tu confonds, mais ça c'est toujours ton problème. Là, du coup, t'es pas. Si tu t'es approprié le travail du rat, t'es une merde pour moi. Mais c'est. Je vais faire mon restaurant après. Bon, ouais, c'est génial. Donc, il y a des souris ont chié sur une baguette. Alors voilà, et du coup faut savoir que dans cette boulangerie il y avait des clients très sympas, mais il y avait aussi de vraies merdes, des pures merdes qui étaient totalement désagréables et irrespectueux. Ouais, ouais. Oui. De là à manger de la merde de souris, je suis pas sûr, mais continue. Et du coup je mettais ces petites baguettes au caca de souris de côté pour mes petits clients désagréables. Alors écoute, moi j'ai besoin de savoir ce que tu entends par désagréable, sans vouloir évidemment trop rentrer dans ta vie privée, mais quel est ton degré d'acceptation? C'est une très très bonne question. Moi j'allais dire que t'étais une merde, mais... Non, moi j'aimerais savoir. Voyons parce voir. Que ça peut être très très désagréable ou genre pas voilà, demander d'aller un peu vite parce qu'on est pressé. Est-ce que ça c'est être une merde pour toi? Alors par exemple, un truc que je déteste, c'est les gens qui sont au téléphone. Aïe aïe aïe, bon bah t'es une merde, qui pardon. Non, vas-y. Qui te parle même pas. Ok. Tu sais, genre qui te montre du doigt. Ouais. Et tu sais, qui te regarde même pas, ils sont en doigt, ouais, attends. Et il paye, il te dit ni bonjour, ni je veux une baguette s'il vous plaît, ni merci, ni au revoir. Ouais, non, mais eux, ça, ok. C'est caca de souris. Okay. Ce sont des merdes. Ouais, je comprends. Voilà. Enfin, moi, je suis d'accord, tu raccroches quand t'es à la caisse. Alors, oui. Ou alors tu dis juste. Attention, Florent est une merde, apparemment. Non, moi des fois effectivement j'ai de la... déçu. Non, Colin, pas du tout. Des fois juste j'ai ma musique et j'avoue je n'enlève qu'un seul bout du casque. Oui, mais ça va. Ça c'est pas grave. Ça c'est OK, je mange pas de la merde de souris pour toi, Colin. Non, t'inquiète. OK, cool. T'as du pain totalement clean. Ah, alors ça fait plaisir. Ça marche. Très bien. Non, mais et tu peux mettre sur tu dis attends deux secondes, je passe à la caisse. Tu mets en mute ton téléphone, Oui, je suis d'accord, Mais t'avais déjà pardon, vas-y Adrien. De là à mettre potentiellement leur santé en danger. Alors, attends, vas-y. De mes connaissances, personne n'est mort, ni malade. Ah, de connaissances, c'est. Ouais. Moi, ma boulangère est peu au courant de l'état de santé des gens que je fréquente, tu vois ce que je veux dire. Je vais chercher les dangers de manger de la merde de souris, continue à parler. Il va débunker tout ça, Colin. Il y a pas mal de risques, ouais. Okay, tu l'as fait en connaissance de cause, tu es de plus en plus. Enfin, t'es plus une merde, t'es une serial killeuse, mais voilà. Tu es un épisode de On de la Traconte pour le moment. L'empoisonneuse de Lyon. C'est ton vrai prénom ou pas Est-ce que tu voudras qu'on le bip ou parce que potentiellement les flics vont faire putain, on a trouvé. L'empoisonneuse de Lyon. T'inquiète, mais le truc c'est que les gens à qui je naissais c'était des réguliers. C'était pas une personne qui vient et puis hop, c'est gratos. C'était les gens qui venaient. C'était souvent les mêmes personnes. Souvent. Et là, c'est une personne, elle venait tous les jours, elle me calculait pas, elle me disait pas bonjour et tout. Hop là. Le petit. Hop là. Bourville. Si les gens reviennent, c'est qu'ils aiment le pain, tu vois. Quelque part. La merde. J'ai l'impression que tu essaies de trouver une excuse à la violence que t'as en toi et l'esprit de vengeance. Tu es pour moi Batman. Déjà, je tenais à te le dire. Je lis une page qui dit les souris sont parfois porteuses de virus dangereux. Entre parenthèses, antivirus. Et l'humain peut le... Je t'en supplie, écoute, parce que c'est vraiment c'est ta conscience qui va s'effriter à chaque mot que je vais prononcer. Le Covid-2 de ton côté. Et l'humain peut le contracter en respirant des particules contaminées par les excréments. Donc c'est même pas manger. Genre tu respires ta putain de baguette, donc potentiellement tu as été en danger aussi, cela dit. Et voilà, si ça peut te soulager ta conscience... Potentiellement, tout le monde, tous les clients ont juste en respirant les particules de merde, ont été en danger. Toi-même, t'es peut-être en danger. Tu as peut-être poussé le bouchon un peu loin en leur faisant bouffer de la merde. Écoute. Avant le Covid-19, ça se trouve, ça part de là. Ça se trouve, c'est ta faute, c'est entièrement la Covid, vu que tu t'appelles Colin, petit jeu de mots comme ça que je propose. Non, mais tu sais, c'est gratos pour moi. Bon, écoute. Parce que du coup, maintenant, tu fais plus du tout ça ? Non. Maintenant, c'était un job que j'ai fait pendant 5-6 mois. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, Colin ? Je suis étudiante en art plastique. En art plastique ? en marketing. Ah. En marketing, pardon, ça a coupé, c'est pour ça. T'es en voiture, Colline ? Oui, je suis en voiture. Allez, vous m'entendez bien, c'est très dangereux. Ouais, ouais, ça va, c'est ça très va. Dangereux. Mais t'entends très bien. Je ne conduis pas, je suis passagère. Ah, ok. Je me suis dit tueuse de gens et en plus chauffarde. Ça commence alors, à faire beaucoup. Juste, je regarde les symptômes de l'antivirus. Juste hein, pour par pur plaisir. Il y a le syndrome pulmonaire à hantavirus, donc j'imagine un truc au niveau des poumons pas cool, et la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, donc horrible, et donc c'est fatigue, étourdissement, fièvre et frissons, douleurs musculaires, c'est le Covid pour l'instant, nausées, vomissements, maux d'estomac, tout. Et difficultés respiratoires graves, enfin voilà, ce que t'as pu prendre. Non, mais écoute, moi, en même temps, s'ils te disent pas bonjour, voilà, moi je suis avec en toi. En tout cas, si je suis responsable du Covid, je m'excuse auprès de la Terre entière. Ah bah c'est très gentil, et tu sais, faut t'avouer, à moitié pardonner, tu sais ce qu'on dit, hein, tu sais ce qu'on dit. Bon, ça fait plaisir de t'avoir, Colline. Bah du coup, on n'a pas vraiment de solution à t'apporter, pour nous, enfin en tout cas pour moi. Pour Adrien, je sens que c'est plus mitigé, mais pour moi, en tout cas, non, tu n'es pas... T'avais quel âge quand tu as fait ça, si c'est pas indiscret? Bah 21 ans. Bon écoute, j'ai tout fait pour te sauver. Voilà, c'est terminé. J'ai tout fait. J'ai donné mon max. Non, bah écoute, Colline, merci d'avoir partagé cette histoire. Mais le truc aussi, c'est que visiblement, tu n'as absolument aucun regret aussi. Zéro regret. D'accord. Ce n'a pas été ton métier préféré de ta vie, j'ai l'impression. Non. Ah, ouais, attends, attendez, juste. Ah, attendez. J'ai un article Breaking news. J'ai un article de Top Santé. Je vous lis le titre. Comme ça. Vous allez me dire si ça a un rapport quelconque avec ce qu'on vient de dire. Hospitalisé après une crotte de souris dans un sandwich. Voilà. Bon, allez. C'est littéralement. La police arrive, Colline. La police arrive. Et ça vient de Lyon. Ouais. D'une non, boulangerie. C'était à Créteil, mais voilà. Ils disent. Pardon, mais. L'article commence comme ça. Imaginez. Vous allez chercher, comme à votre habitude, votre sandwich à la boulangerie. Vous ne dites pas bonjour. Bon, et au moment de le déguster, vous découvrez... Vous êtes au téléphone. Niché entre le jambon et le fromage, un excrément. Cette expérience peu ragoûtante est arrivée à une jeune fille. Bon voilà, donc il y a carrément des articles... Sur toi, hein, pour sur moi. Sur des gens qui ont fait comme toi. Bon, écoute... J'ai marqué le monde d'une manière peu commune. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Colline, merci de nous avoir appelés. Est-ce que tu veux faire une dédicace au collège de ton choix ou au lycée? La prison, tu souhaites aller... J'ai l'impression d'être sur énergie là. Mais c'est le concept, c'est le concept. Eh ben écoute, je vais faire une petite dédicace à Tony, mon pote qui vous adore et qui a recommencé le Floodcast à partir de la saison 1 il y a peut-être un an. Ok. Je sais même pas s'il va m'écouter maintenant ou dans deux mois. Ouais, écoute, je fais une dédicace quand même. Eh ben on fait une grosse dédicace à Tony. On t'offre deux places pour voir Le Retour de la Momie aussi. C'est un film Floodcast, ça te fait plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Passe une très bonne soirée. Puis merci de nous avoir appelé. Salut Colline. Bah merci à vous. Salut, ciao. La fille a allé aux urgences quand même. Hein. Alors. Et toi, Adrien, tu croques avant après être parti de la boulangerie? Tu peux pas te retenir le bout du pain, le quignon? Non, là, le quignon, parce que, attends, non, tu peux pas t'en surtout empêcher. Surtout s'il est imbibé de pisse et de merde, de rats. Bon, moi, je suis désolé, hein, mais cette personne a... Non, mais voilà, il faut... On est sur, pas... sur une échelle de 0 à Dupont de Ligonnès, on est à 5, quoi. Elle est à Xav. Ouais. Sur le début du prénom. Non mais toi, tu t'es jamais vengé dans le métier. On avait déjà parlé dans un podcast, mais t'es pas quelqu'un de revanchard. Non, après moi j'ai pas eu de... J'ai eu des genre un patron un peu énervant, mais j'avais pas eu à me... Enfin, cela dit, oui, toi, oui. Enfin, elle, le, au point 2, c'était juste pas dire bonjour, hein, donc... Oui, oui, non, oui. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais bon, bah, bon on a pas pu... C'est vrai qu'à la base, le principe, c'était de éventuellement résoudre des problèmes oui, des gens. Oui, oui, bon, là en l'occurrence, c'est bon, rien là, à résoudre. Là, c'est une thérapie. C'est elle a eu besoin d'en parler. Ça dépasse nos compétences, malheureusement. Colline, peut-être la boussole morale, peut-être à faire réparer, peut-être. Oui, elle n'est pas exactement au bon endroit. On va prendre un nouvel auditeur. Il s'appelle Aurélien. Alors, est-ce qu'il va décrocher, Aurélien? Mais ça sonne même plus là. Si, ça sonne. Oui, allô? Oui, oh, Aurélien, tu nous entends? Aurèle. Ouais, ça marche nickel. Oui, oh. Aurélien, à un moment, on t'a appelé. Les auditeurs ne le savent pas, mais tu ne nous entendais pas et on t'a raccroché au nez comme des malpropres parce que voilà, tu n'entendais pas notre voix. Est-ce qu'on te rappelle aujourd'hui? C'est parfait. Ouais. Mais en soi, c'était pas du tout mal poli parce qu'on aurait tous fait pareil. Bah ouais, je suis vraiment écoute. En tout cas, merci d'être avec nous, Aurélien. Où est-ce que tu nous viens? Quel âge tu as? Alors, moi, du coup, je viens de Saint-Etienne, aka la capitale du kiff. Bah, les verts, allez, les verts, ouais, Johnny Rep, bien sûr. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ouais, moi je suis pas trop fan de foot du coup. Moi non plus, enfin, mon pauvre Aurélien. On pourrait vous faire un quiz pour voir qui s'y connaît le moins en foot de vous. Vas-y, deux. Vas-y, bah dis des noms de foot et on va voir si Aurélien ou moi. Des noms de foot déjà, tu as déjà moins un point déjà. Des noms de foot. Non, mais moi j'y connais pas grand chose non plus. Bon. Non, si t'es 3 joueurs, bah si, quand même, c'est facile. Ouais. Si t'es 5 joueurs. Si, je me suis arrêté au gardien. C'était il y a voilà longtemps. De quoi, de Saint-Etienne? Ouais, qui avait des gants avec des dessins tribales dessus. Oh putain, bon, t'as gagné, sûr que t'as gagné. Après, tu viens de Saint-Etienne, peut-être que toi tu. T'es un footballeur de Dijon. De Dijon. Peut-être tu peux citer un joueur du club de Dijon. Ouais, je l'ai pas. T'as gagné, tu t'y connais mieux en foot que Florent. Très bien joué, Aurélien. Et quel âge tu as, Aurélien, si ce n'est pas indiscret? Ah, c'est pas indiscret, mais du coup, moi j'ai 22 ans. Très bien. Tu fais quoi dans la vie? Eh ben là, je suis en études en musicologie, je suis en master. Oh. Ça se passe bien, tu kiffes? Pas du tout. Ah, mais cool. Bien. Parce que, ouais, non, en fait, c'est le master qui est un peu bizarre. En gros, en fait, on fait de la recherche alors que. Tu veux faire de la pratique? On n'est pas censé en faire. Ah oui. Enfin, du coup, là, je suis en train de bosser pour un mémoire. Ok. Faut que j'en fasse à peu près la bonne moitié. D'accord. Et là, le 24 juin, en fait, je le rends, on me le note et on n'en parle plus. Et je fais pas l'autre moitié. Ah. Parce que l'année d'après, putain, en fait, bizarre. On fait du coup un projet personnel qui a rien à voir. Putain, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui était dans des études d'art. Et juste l'endroit où elle était s'est arrêtée en plein master. Donc elle n'a pas pu aller au bout de son master. Elle a fait 2 ans de master. Attends, il déplace pas les étudiants ailleurs? Non, le truc a fermé. C'est terminé, c'est incroyable. C'est terrible. Ah, génial. C'est terrible. Et alors, tu fais une moitié de. Une analyse moitié d'ailleurs. De... Superbe. De mémoire. Tu fais une moitié de mémoire? C'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Je comprends pas le. Oui, effectivement, comme tu as dit, c'est bizarre quoi. Ben ouais, même les profs quand on demande des explications, ils sont bon, faut le faire. Oui, c'est comme ça. Ouais, je pense que ça cache un truc très bizarre, genre c'est une secte et ils ont prévu un suicide collectif cet été. Non, mais faites la moitié, de toute façon, vous inquiétez pas de l'avenir. Faites comme on vous dit. On part tous dans une soucoupe volante. C'est pas une caméra cachée. C'est un prank peut-être, Greg Guillotin qui gère toute cette musicologie. Aurélien, tu nous appelles pourquoi? Dis-nous. Eh ben, du coup, moi, je voulais vous parler d'un truc que j'ai constaté il n'y a pas si longtemps, enfin, que je vis depuis un petit moment, et je pense qu'on est très nombreux à le vivre, mais je l'ai constaté, enfin, vraiment, j'ai vraiment compris que c'était un peu problématique et que c'était chiant, et que je pense que, avec une réflexion collective, on pouvait arriver à trouver des pistes de solutions. Ah, en bah, gros, je t'en supplie. Dans une discussion, même avec des gens qu'on connaît depuis très longtemps et tout, il y a souvent des silences. Enfin, vraiment, il y a un moment où, ouais, ben, il y a rien à dire. Le truc, c'est qu'on a envie de parler parce que, ben, le silence, des fois, c'est cool, mais il y a des fois où c'est super gênant et c'est un peu infernal. Puis, j'allais parler pour combler ton silence, donc tu vois, c'est exactement, on est exactement yes. Là-dedans. Et du coup, en fait, c'est ce truc, enfin, le procédé de réflexion qu'on a quand on est dans un silence, mais qu'on veut parler avec la personne. En fait, cette phase où vraiment on se met à réfléchir à toutes les hypothèses et à tous les trucs qu'on a envie de dire, en fait, mais qu'on surréfléchit le truc. Genre, par exemple, on va dire, bah, cette personne, j'ai fait ça avec elle, donc on va reparler, mais c'est la 15e fois qu'on en reparle. Par exemple, les séries en commun, les films, les trucs comme ça, on va reparler, ou même de situations. Et c'est un truc qui est horrible parce que plus le temps passe, plus on réfléchit, plus on surréfléchit sur le truc, et plus, en fait, ben, on parle pas, et c'est horrible. Et alors, en plus, si la personne a le truc de rester sur son téléphone tout le temps, mais en fait on se retrouve face à un mur. Je sais pas te faire passer un message, Adrien. C'est pas un pote à moi. Mais moi, ma question, Aurélien, c'est t'as déjà vachement théorisé le truc. Moi, j'ai pas autant théorisé les silences qu'il y a dans mes potes. Je sais pas si c'est théorisé. Ouais. Mais en gros, enfin, c'est long, quoi. C'est vrai que je me suis rendu compte que c'est hard. Et je pense, enfin, c'est tous déjà trouvé face à ce truc vraiment de. J'ai besoin de dire un truc, ou j'ai envie de dire un truc, parce que bah, on est avec la personne, donc faut parler, entre guillemets, et puis même. Oui, que le silence met mal à l'aise. Mais est-ce que t'as l'impression que ton interlocuteur ou ton interlocutrice, ça la met dans le même malaise, le silence? Ou. Parce que ça se trouve, c'est. Enfin, j'ai l'impression que ce genre de truc, ces silences qui sont gênants, c'est un truc perso, quoi. Enfin, je veux dire, le fait que ça nous gêne plus ou moins quand c'est avec quelqu'un qu'on connaît bien. C'est parce que on est nous-mêmes en confiance et on se dit je sais que ça met pas l'autre personne mal à l'aise parce que on sait tous les deux que ça reflète pas un défaut de connexion entre nous deux, tu vois. Ouais, de et, ouf. Et du coup, je pense que Je pense que en fait c'est un truc perso quoi. Je me demande si la solution c'est pas juste de faire la paix avec le fait que. Enfin, remarque, ça se trouve c'est ça que tu cherches comme solution, je sais pas. Mais peut-être. Mais est-ce que toi tu cherches une solution pour comment réussir à combler les silences? Ou comment accepter qu'il y ait des silences et que c'est pas grave? Soit ouais, l'accepter ou soit ouais voilà arriver à le combler parce qu'en fait on réfléchit trop quoi. T'sais. Enfin, on réfléchit trop. Peut-être des fois en fait juste dire des trucs simples ou rien dire. Des fois, ça peut être plus simple. C'est vrai qu'il y a ce truc un peu aussi ouais, de, comment dire, pas de culpabilité, mais tu vois, par exemple, tu vois un pote que t'as pas vu depuis longtemps et tout. Bon, bah, il y a la phase où tu racontes un million de trucs. Et il y a ce moment où, bah, il y a rien qui se dit. Et du coup, tu te dis, putain, ça fait chier parce que du coup, voilà, on est là, mais on se dit rien. Donc, est-ce que. Ouais, est-ce mais que je la pense... personne est dans le même cas ou pas enfin, ouais, mais tu vois, je pense que c'est ça le truc. C'est, tu... c'est le... En fait, c'est le moment où tu te dis, putain, ça fait chier. Mais en fait, c'est pas grave, moi, enfin, je pense que... Enfin, tu vois, c'est normal, enfin... Surtout si ça suit une phase où vous êtes dit plein de trucs, je pense que c'est tu peux t'autoriser à avoir un silence, c'est pas grave. Au contraire, enfin, tu vois, je trouve que... Enfin, je pense qu'on peut juger, justement, parfois, la qualité d'une relation à la capacité à être silencieux tous les deux et que ce soit pas un problème, quoi, tu vois. Carrément, oui. Et à la limite, moi, en tout cas, un truc que je fais, moi, enfin, un truc que j'ai décidé de faire, parce que moi, j'étais très facilement mal à l'aise, je le suis encore de temps en temps, hein, mais dans des situations sociales. Et en fait, mon truc, c'est d'appuyer sur le problème. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand si t'es dans une soirée et tu te dis, putain, j'ai grave envie de chier. Mais les chiottes, elles sont juste à côté, et si j'y vais, tout le monde va m'entendre chier, et ça va être. Ou tout le monde va savoir que je vais chier, et du coup, je vais être trop mal à l'aise en sortant parce que je vais rester longtemps, et les gens vont savoir que j'ai chié, et du coup. Et tu commences, en fait, à être dans ces trucs, ces boucles-là où tu. En fait, t'anticipes trop les trucs et tout. Du coup, à un moment de ma vie, j'ai décidé de dire, bon, je vais chier, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Comme ça, il n'y a plus de malaise, tu vois, et du coup. Dans ce cas-là, tu vois, il y a un côté, tu peux peut-être justement, genre adresser le truc de ah bah il y a un silence, tu vois, genre parler du fait qu'il y a un silence, tu vois, peut-être que c'est ça aussi qui va amener un sujet ou atténuer le, tu vois, parce qu'à la limite, là par exemple, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 10 minutes qu'on parle, j'en sais rien, on parle des silences dans les conversations. Bah du coup ça pourrait être ça le sujet au moment du silence dans le quand t'es avec quelqu'un, tu vois. Tu vois, cette question que tu viens de nous poser, tu pourrais la poser à un moment où il y a un silence, tu pourras dire ouais mais du coup toi ça te gêne les silences ou pas, etc. Et ça peut devenir un sujet de conversation et ça peut ça, en plus c'est méta quoi, c'est-à-dire que tu brises le silence en parlant du silence. C'est le multiverse. C'est le multiverse. Enfin, pour moi c'est le multiverse, mais après voilà. Mais j'avais pas pensé à ça, c'est vraiment bien. Oh putain, bah, écoute. On est fort, voilà. C'est une solution de trouver, ok, sublime. Bah ouais, c'est une bonne piste en tout cas. C'est un début. Bah, ça pourra pas marcher trois fois. C'est genre vrai. Bah, pas avec la même personne, mais. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. T'allais dire un truc à avec une personne, c'est bon, mais pas une seule. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est marrant parce que je me. Il y a quelques temps, je regardais un entretien de Rick Rubin, qui est un producteur légendaire de musique, bah, que tu connais peut-être, du coup. Non, je ne connais pas. Et renseigne-toi. En fait, c'est un producteur de musique qui est légendaire, américain, et qui a vraiment produit tous les plus grands Beastie artistes. Beastie Boys, Slayer. Qui est une espèce de gourou un peu mystique de la musique, en gros. Lui, il ne touche pas à un instrument, quoi, mais juste, il met les gens dans un état d'esprit qui fait qu'ils font la meilleure musique de leur vie. Quoi. C'est ça, souvent les meilleurs albums des artistes sont chez ce gars-là. Et donc c'est hyper intéressant. Et il a une approche de la vie et de l'art assez intéressante. Et il y avait un entretien de lui avec André 3000 de Outkast, qui disait que en gros André 3000 là il est dans une période de, enfin où il fait plus de musique. Et il dit, il disait mais là j'arrive pas à refaire de la musique comme avant et tout. Et Rick Rubin il lui disait faut que tu te mettes dans un état d'esprit où genre ce qui est important c'est de faire plein de trucs même si c'est de la merde, même si tu au moment où tu le fais tu trouves que c'est de la merde, faut le faire parce que il y a peut-être un moment en faisant ta merde tu vas faire ah putain ce truc là c'est pas mal et ça va devenir une piste pour quelque chose d'intéressant quoi. Donc il disait des fois ce qu'il faut faire, t'es pas toujours forcément très inspiré mais en faisant plein de trucs en faisant tout le temps, tu finis par déterrer un truc qui est intéressant, quoi. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, justement, ah, c'est marrant, ça pourrait s'appliquer aussi. Ouais, Théo Relsan, je dis. Chose. Ah, j'ai dit, ah, c'est marrant. Ah, oui. Théo Relsan. Non, j'ai dit, ça pourrait s'appliquer justement à ces. Justement, moi, je suis parfois dans une situation où j'ai du mal à relancer les conversations et tout. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être la solution, c'est de parler vraiment de n'importe quoi, le premier truc, même si tu te dis, putain, c'est pas du tout intéressant ce que je vais dire. Parce qu'en fait, en parlant de 1000 trucs qui ont pas l'air intéressants, au bout d'un moment, tu vas déterrer un truc, tu vas faire ah putain, et tu vas partir sur une piste de discussion intéressante, quoi. Pour faire parallèle, je ne sais pas, c'est très évident, mais dans le Floodcast, on parle de singes qui attaquent des gens et des fois on parle de nous. Voilà, bah tu vois, c'est un peu cette espèce de petit biais qu'on utilise pour au final parler de trucs. Bon, est-ce qu'on a répondu à ta question, Aurélien? Ben ouais, c'était cool. Bon, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux faire et une petite... En plus, je pars en plus avec un entretien à regarder. Et tout, tu peux juste me redire le nom du gars? Alors, il s'appelle Rick Rubin. Rick, R-I-C-K. R-I-C-K, ouais. Et Rubin, R-U-B-I-N. Tout bonnement. Et l'entretien est sur YouTube. Il parle avec Kendrick Lamar aussi. Enfin, il parle avec plein de gens. C'est assez intéressant. Ok. Voilà, Aurélien. Est-ce que tu veux passer une petite dédicace? Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Je vais passer une petite dédicace. À toute la rue des Martyrs de Saint-Thé. Allez, ça fait plaisir. Et c'est pas une dédicace, je sais pas si on a le droit. Vas-y. Vu que je connais les goûts prononcés d'Adrien pour les sauces et la bonne bouffe, ouais. J'ai un ami qui a ouvert un petit resto de street food à Saint-Thé, et si vous y passez, je suis sûr qu'il sera super heureux de vous accueillir. Il n'y a aucun problème. Ouais, fais ta promo. Et c'est, du coup, c'est Munchies. Ok. Et c'est street food. D'extrême droite. Ah, ça gâche un peu. Ça gâche un petit peu. Ok. Non, c'est de la street food, excuse-moi, pardon, je t'ai coupé. Street food, bouffe du monde. Il y a du végé, du vegan, du viandard, il y a tout. Génial. Oh, parfait. Et c'est vraiment pas cher, c'est de la bombe. Trop cool, bien, Aurélien. Bah... Merci. On t'offre deux places pour aller voir Matrix Reloaded. C'est un film podcast. Ça fait plaisir, Aurélien. Oh merde. Bah. Ouais, je comprends. On te fait des bisous, puis à bientôt, gars. Salut. Bah, des bisous, merci. Ciao, bye, salut. On se retrouve tout de suite après. On va appeler Charlotte, Héloïse, Gaspard. Mais avant, Adrien, on va s'écouter un petit son et pas des moindres, puisque je te propose d'écouter tout simplement Superbus ensemble, Radio Song, le groupe de Jennifer Ayash. C'est le Floodcast, on est ensemble. De retour dans le Floodcast avec Adrien, ça va Adrien? Ouais. Tranquille. Il est tellement cool. On va continuer de prendre vos appels. Je fais un holly. Vas-y. Oh putain, mais il a fait un holly. Un kickflip. On continue de prendre vos appels au 0142 1000 1000 1000, 0142 1000 1000 1000. On répond à vos problèmes, on résout vos problèmes, ouais, quelque part, on apporte des solutions. Sauf si vous êtes une personne très dangereuse, une tueuse du vin à base de merde de souris. On ne peut rien faire pour vous, malheureusement. On va tout de suite appeler Charlotte. Allô. Allô Charlotte. Oui, c'est moi. Oui, c'est Florent et Adrien, c'est le Floodcast à l'appareil. Waouh, c'est ouf. Comment ça va? Bah ça va et vous, tranquille hein? Ça va, on t'appelle bien. Un peu tard, désolé, tu vas être non, très surprise, on a eu des petits soucis de son. Ça va être vraiment te surprendre. Ah bah, ouf, Floodcast, non, ça va. C'est dans l'ADN, c'est dans l'ADN. C'est ça quoi. Quel est ton âge et d'où viens-tu, Charlotte? Alors, j'ai 24 ans et je viens de Belgique. Ah, où ça, plus précisément? De Liège. Ah, si ça vous bien parle. Sûr, bien sûr, bien sûr. Wow. Non, très joli coin, Liège. Et tu fais quoi dans la vie si ce n'est pas indiscret? Oh, je suis encore aux études. D'accord. Je termine mes études cette année, quoi. Études de quoi? Journalisme. Oh, trop cool, ça va, ça te plaît, tu kiffes? Ouais, franchement, je kiffe. Après, ça va être chaud de trouver un taf, mais. T'y es pas, profite-en, ouais, t'y es pas encore. Charlotte, peux-tu nous dire la raison pour laquelle tu nous appelles? Oui, alors moi, mon petit problème, c'est que ça fait quelques mois que j'ai des fouines dans mon toit. Ah. Donc en hiver, j'allais dans le mail, ça va quoi, elles font pas de bruit et tout, mais là, c'est chaud quoi. Genre ça fait du bruit de ouf, des petits bruits et tout, mais même à 3h, 4h du mat. Et j'aimerais bien les faire fuir quoi, mais j'ai pas envie de mettre des produits chimiques et tout, et je sais pas quoi faire quoi. Donc je vais vous appeler à l'aide avec votre génie créatif pour m'aider, quoi. Je comprends. Alors déjà, moi, je voudrais juste m'assurer que elles sont pas chez elles, parce que la fouine est propriétaire normalement. Donc il n'est pas du tout locataire. Non, bien sûr, bien sûr. Il l'a plus donc, ou moins répété dans de nombreux sons. Est-ce que tu peux nous garantir que ces fouines ne sont pas propriétaires? Elles sont bien locataires. Bah, je sais pas en fait. On n'arrive pas à communiquer, quoi. Bah oui, c'est ça. Elle, c'est en coup sur les murs et je parle pas comme ça. Enfin, c'est limite du morse, donc je capte pas tout. mais tu sais où elles sont? Elles sont où exactement? Enfin, tu sais toit, où elles se situent? Dans le toit. Enfin. Ben dans le toit, mais genre c'est repérable. Genre c'est dans un coin de la maison, quoi. C'est on voit les pans de murs où elles peuvent être, quoi. Mais tu les vois pas elles? Non, mais j'en ai vu une l'autre jour. Aïe aïe aïe. Mais quand elle est sortie. Enfin, en fait, ouais, elle se baladait tranquille, quoi. Ah. Et t'as pas accès à l'endroit où elles sont, quoi. Mais pas du tout, parce que c'est impossible de savoir. Après, c'est quand même mignon, quoi. Quand je l'ai vu passer, je me suis pas. Enfin, j'étais là, ah ouais. C'est mignon, mais c'est chiant, ça peut faire du bruit, ça peut chier. Ouais, ça fait des gros dégâts, vraiment. Ramener des saloperies aussi, hein, parce que, enfin, quand je dis des saloperies, je parle de bestioles mortes et qu'elles nourriraient de ces bestioles. Moi, tu juste sais, j'aime la campagne. Ma tête, quoi, quand je dors, donc c'est ça. Super. Ça, c'est un petit peu compliqué. Adrien, est-ce que t'as des idées, toi? Bah, des idées, le truc, c'est. Pff, moi, si je me fie déjà au Floodcast, une des solutions aurait été de par exemple peindre un chien en prédateur de fouine. Bien sûr. Mais bon, faut avoir un chien, sinon il faudrait que tu te déguises toi en blaireau par exemple, hein, blaireau. Je vais chercher meubler, je vais chercher trouver une solution, enfin chercher. Non, mais cogiter. Effectivement, tu n'as pas accès, disons, tu vois même pas où est-ce, comment elles ont fait pour rentrer. C'est sûr que c'est des fouines. Bah non, le truc c'est que ça peut, j'ai pensé à un truc genre dans les petits mouchoirs, je sais pas si vous voyez un moment, il y a François Cluzet qui a des fouines. Ouais. Et t'as pensé à mettre François Cluzet dans le toit peut-être. Ben voilà, ouais. C'est ça. Mais je crois qu'il est hyper busy. Ouais. Enfin, il est pas du tout en Belgique en plus. Enfin, c'est ça qui est compliqué pour faire venir. Ouais. Mais enfin, il nie un peu, quoi. Alors ouais. Pardon, je t'ai coupé. Il fait quoi dans les petits mouchoirs? Il fait quoi? Oui, bah, pardon. Il pète le mur en fait. Donc il y a des fouines et il y a une technique, c'est mettre de la musique à fond. Apparemment, ça les fait fuir. Ouais, vraiment. Du booba d'ailleurs, en l'occurrence. Oui. Bah oui. C'est ça. Si je mets la fouine à fond, elles vont se dire ah, elles vont ramener des potes. Ouais. elles vont la bonne solution. Et donc non, ils pètent le mur à la fin, ils pètent un plomb, mais moi il faudrait que je pète le mur, quoi. On n'a pas accès, donc c'est chaud. C'est fou, je suis effectivement sur François. Non, mais je lis un truc qui dit elle n'apprécie pas le bruit, ouais, voilà. Pas hésiter à diffuser de la musique en continu tout le long de la journée. Alors, oui, peut-être des cris ou même une. Moi, alors parce que moi, au début, pour endormir mon enfant, on mettait de la, comment dire, de l'eau qui coule ou des choses comme ça, justement pour l'apaiser. Il y a peut-être l'équivalent inverse de mettre des bruits de prédateurs contre les fouines. Alors justement, j'allais y venir parce que je regarde. Ouais. Et là, bon, c'est les étoiles sont alignées en fait, parce que je regarde quels sont les prédateurs de la fouine. Ouais. Il y a le renard. Okay. Bon, le renard, what does the fox say? Ding ding ding ding. Bon, ça évidemment, ça marche pas. Évidemment, il lui teinte à peu près ce langage en tout cas. Enfin, le blaireau, okay. Et c'est là que ça devient intéressant, bah ouais. Le lynx. Et il se trouve, que je sais très bien faire le lynx. Alors attention, donc, on peut avoir une petite. Un oui, petit alors n'hésitez pas vraiment à l'enregistrer si vous avez des fouilles chez vous pour réutiliser ce son. Alors attendez, attention. Faut que je me concentre un peu. Pas de soucis. Voilà, donc normalement, tu leur diffuses ça en boucle. Là, elles viennent de partir, en fait. C'est assez c'est logique. Ouf. Mais tu sais qu'Adrien va... Tu sais, il y a des émissions pour les problèmes avec les voisins. Adrien peut venir chez des gens et faire gérer les fouines. Oui, bon, alors, le problème avec les voisins, je pense qu'ils vont surtout venir. Parce que je suis vraiment collé au mur du voisin. Il est 22h40. Ouais. Non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Et oh, la gauche est passée, c'est bon, là, on se calme. Sinon, alors, il y a un produit. Elles vont pas, ça ne leur, c'est pas nocif pour elles, mais elles vont détester. Une solution que je te propose, c'est du vinaigre blanc. C'est quelque chose, en fait, c'est une odeur qui va vraiment les agacer et elles vont pas vouloir y aller. Tu sais, moi, pour te dire toute ma petite vie, je viens de la campagne en Bourgogne et il y avait pas mal de poules qui se faisaient attaquer quid par des renards, pas du tout toujours le mot quid, hein. que ce soit par des renards, des fouines ou des furets, oui, je crois, tout simplement. Oui, c'est sûr. Et donc, mon père mettait du vinaigre blanc, voilà, des trucs comme ça autour. Ah ouais. Et apparemment, l'odeur, voilà, elles aiment pas ça, quoi. Ça les dégoûte un petit peu, quoi. D'accord. Donc, ah ouais. Voilà. Est-ce que t'as des animaux domestiques ou pas? Non, pas du tout. Ok, tant mieux, parce que les fouines, non mais les fouines peuvent être apparemment dangereuses pour les animaux domestiques. Ah non, c'est, ah ouais, c'est des animaux vénères, hein, les fouines, attention. Ouais, hein. Attention. Pourquoi crois-tu qu'un rappeur aussi gangsta l'a utilisé pour son pseudo? C'est ouais, parce que c'est des animaux un petit peu énervés, un petit peu, tu vois. Non, mais sinon, j'ai vu aussi que, bon, normalement, avec mon imitation du lynx, tu devrais pas avoir besoin d'investir. Mais ouais, sinon, ça parlait de boîtiers à ultrasons. Il paraît que les boîtiers ah ouais à ultrasons, ah ça ouais peut. Parce qu'en fait, nous, on les entend pas, mais les fouines, oui. Et du coup, tu peux le laisser allumer H24 et au bout d'un moment, les fouines vont dire bon, ça suffit maintenant. Et ils mettront leur pattes sur leur taille, là. Non mais en fait parce que moi j'ai eu un problème un peu similaire, c'est que alors je sais pas si c'est des fouines ou des rats, mais en fait ouais, en tout cas de toute façon tu vois pas de différence je ne vois pas un citoyen du cœur. J'avais un rongeur qui avait je vais repartir depuis le début. J'avais un voyant qui s'allumait sur ma voiture, okay, qui me disait qu'il fallait que je remplisse un réservoir. Du coup je vais dans un garage, je fais remplir le réservoir. Et le voyant reste allumé. Et en fait, en l'amenant la voiture chez le garagiste, ils m'ont dit que des rongeurs avaient rongé le câble. Et en fait, c'est un truc, c'est un truc qui arrive souvent apparemment. Ouais, c'est hyper commun, vraiment. Ouais, et quand j'en avais parlé, j'avais fait une story, et il y avait des Belges qui m'avaient dit « Ah bah ici, c'est les fouines qui bouffent les câbles. » Donc en fait, vous avez un gros problème. Ah oui, mais grave. Vraiment. Vous avez un gros problème de fouines en Belgique. Eh ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est national et que c'est chaud, quoi. C'est, ouais, peut-être pour faire. Te venger, il faudrait trouver des voitures de fouines et ronger les câbles, du coup, peut-être afin de que ça soit égalité, quoi. Tu oui, vois, c'est vrai. Non, parce que ça, c'était mon problème. Oui, mais toi, c'est ça à la Belgique. Faudrait que tu ailles dans un terrier de fouines voilà, et que tu marches, tu vois. Je sais pas, ça se trouve, elles ont un cycle de sommeil différent. Visiblement, elles vivent. Sauf que les fouines mettent déjà du vinaigre blanc à l'entrée des terriers, donc tu ne pourras malheureusement pas rentrer dedans. Mais non, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que. Effectivement, aussi, il parlait de. En gros, les fouines, si elles ont des. Là, j'étais sur un petit site, là je te le cache pas, il disait mais si t'as pas accès à ton toit, c'est vrai que ça va être compliqué, mais de nettoyer, ouais, en fait, si elles voient qu'il y a quelqu'un qui passe dans leur nid, à savoir sous le toit, tu vois, juste tu passes l'aspi ou tu jettes des trucs, etc., elles vont se dire ah bon, en fait il y a quelqu'un qui vient ici, ce n'est plus un endroit sûr, je me casse. Mais bon, si t'as pas accès à ton toit, c'est un peu compliqué. Mais toi, en gros, le truc c'est que tu veux pas leur faire du mal, tu veux juste qu'elles partent, c'est ça? Bah en gros, j'ai pas envie de mettre un produit qui va les tuer et ouais, puis aller les chercher, parce que je crois qu'il y a des bails comme ça aussi, quoi. Ouais. Mais les ultrasons, ça me paraît être le moyen, enfin ça va juste les faire chier. À un moment, elles vont se dire on se taille, quoi. Elles vont partir sûrement. Mais sinon, après, moi, je sais que quand j'étais ado, il y avait une souris chez moi et on avait utilisé les pièges qui capturent les souris sans les tuer, quoi. Truc qui se referme. Ah ouais, et après, genre la petite barre qui se clape. Ouais, voilà. Alors après, je sais pas si ça existe pour les fouines, et surtout, va falloir, je sais pas combien il y en a, mais si on a, si on a 10, va falloir que tu le fasses 10 fois de suite. Non, quoi. Puis t'as pas accès à ton toit, si, c'est ça le truc. Oui, mais elle en a vu une. Ah oui, c'est vrai, à l'entrée. Peut-être. Donc elles peuvent, ouais, elles peuvent sortir. Il y a sûrement un moyen, enfin, il y a une sortie évidente, quoi, mais faut que je la trouve. Si elles sont rentrées, elles peuvent ressortir. Elles hein, peuvent mais, exactement. Mais donc, toi, t'en avais vu une dans la maison? Enfin, dans chez non, toi. Non, mais dans les genre elle sortait de l'allée, quoi. Donc dans les graviers, elle se baladait tranquille. Elle était dehors. Là, mais... Elle était dehors, d'accord. Ouais. Donc et c'était la journée, quoi, le matin. Ouais. Donc à mon avis, elle partait chercher à bouffer ou je sais pas quoi. Elle allait revenir, quoi. Bah, voilà. Et ben c'est là où peut-être potentiellement tu peux, si ça existe, mettre un piège non létal. Si tu fous un truc à bouffer qui sent, j'en sais rien, un truc qui sent hyper fort, du fromage. Mais elles adorent l'odeur de poisson, en fait. Ah. Et c'est pour ça qu'en fait elles vont mordre les câbles des voitures, parce qu'il y a une. Enfin, je n'ai pas les termes techniques, mais il y a une odeur d'huile de poisson. Et quand même déjà bien renseigné. C'est pour ça qu'elles vont bouffer, quoi. Ah, moi, on m'avait dit que c'était parce que les câbles, maintenant, ils étaient en maïs. Ah et ouais. Que c'était ouais ah parce ouais que avant ah, ils étaient en plastique ça. Et maintenant ils sont en espèce de truc de maïs, machin. Et d'accord. Et du coup, les rongeurs bouffent ça. Saloperie. Donc bah sinon fous un câble de voiture, apparemment ils adorent ça de toute façon. Donc, garde des voitures tout alors ça coûte cher hein, mais garde des voitures tout autour de ta maison et elles préféreront être dans les voitures que dans ta maison. C'est ça, nickel. Bon bah voilà, j'espère qu'on t'a aidé. Bah ouais, je vais tenter tout ça et tu nous dis, tu nous voilà, tiens au courant. Et tiens-nous au courant ouais, sur le Twitter du Floodcast ou par t'as le mail de toute façon maintenant qu'on va laisser ouvert, donc n'hésite pas à nous dire. Charlotte, est-ce que tu veux passer une dédicace quelconque? Je sais bien que j'ai un pote qui écoute le podcast aussi, donc Lucas, si tu m'entends, petite dédicace. Et sinon, à tous les Belges qui écoutent, forcément. On en a pas mal hein, de Belges qui nous écoutent quand je regarde les stats. Bah ouais, ouais, il y a quand même pas mal de gens, donc ça fait plaisir. Écoute, merci beaucoup, hein. Merci Charlotte, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à vous. Hein. On t'offre deux places pour aller voir Speed 2, Cap sur le danger. C'est un film floodcast. Ça te fait plaisir? Mais grave, ah, vraiment. Ça fait plaisir. Bah merci. Direct les fouines. Merci beaucoup Charlotte. Prends soin de toi. Salut, bonne soirée. Salut, ciao. Ciao, ouais. Ciao. Ça me rappelle ma jeunesse à la campagne, moi ça. Bah ouais. Bah alors que moi à l'époque c'était moins. Ah, c'était moins la woke culture. On mettait des pièges partout. Ton père a pris une chaussure et l'a écrasée de toutes ses forces. Mon père, quand il y avait des avec souris. Avec ses sandales en cordelette. Évidemment. Il a fait man. Non, mais parce que mon père, malgré l'image. Rastafari. Bien sûr. Malgré l'image que tu en fais dans le floodcast, c'est plutôt un vrai campagnard un peu brut. Et je ne parle pas du média social, hein, bien sûr. Non, je parle bien vraiment, sûr. Il est vraiment brut. Et il y avait des souris, nous, beaucoup dans les toits, pareil. Et un matin, pour me faire rire, bien sûr, il m'avait servi mon petit-déj et il avait mis une tapette avec une souris morte dans mon bol. Et bah, pas le meilleur moment de ma life, je te cache pas. Alors, c'est un humour campagnard qui est très spécial. Ouais, hein. Bah, qui, voilà, que la woke culture nous enlève tous les jours. Hein. Basé un peu autour du traumatisme. Oui, voilà, bah, oui, oui. Bah, en parler encore, 20 ans après. Et après, il y a ton chien qui est mort et il t'a dit, ah, bah, bon anniversaire. Et dans la boîte, c'était ton chien mort aussi. Ah, voilà, je vais pas niquer l'ambiance, mais sur les chiens morts aussi, j'en ai mille des histoires de chiens morts. Ça va me faire pleurer. On va éviter. Ça va me faire pleurer. On va continuer de vous appeler, je le rappelle, au 01 42 1000 1000 1000 01 42 1000 1000 1000 1000. On est ensemble jusqu'à minuit. On va appeler Héloïse. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Et non, Héloïse. Héloïse est couchée visiblement. Allô. Allô Gaspard. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Florent et Adrien. T'es dans le Floodcast. Bah, j'ai reconnu la voix. Bon, bonjour. Alors, ça fait plaisir. Comment ça va Gaspard? Ça va et toi? Ça va très bien. D'où viens-tu, excuse-moi? Je viens de Paris, du 13e arrondissement. Très bien, tu y es né? Je suis né dans le 11e. Ah ok, oui, donc tu gravites un petit peu autour. Un petit déménagement rapide. Rapidement. Exactement. Tu fais quoi de beau dans la vie? Je suis lycéen, enfin je passe le bac là. Ah, c'est l'année du bac? Le bachot, hein, bien sûr. Oui, exactement. D'accord, et ça va, t'es confiant, ça se passe bien? Ça se passe bien, j'ai vraiment l'impression d'être sur Fun Radio. C'est vraiment le concept, les gens le découvrent et ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous appelles, Gaspard? Alors, j'appelle parce que c'est compliqué à expliquer. Alors, en gros. Vas-y. Je draguais une fille il y a quelques jours. Ok. Qui me plaisait bien. Ok. Oui, j'imagine. Sinon, ça serait très bizarre de la dire. Sinon, tu vois large, quoi. Mais voilà. Oui, bien sûr. Bon, en gros, enfin, elle me plaisait bien. Quand je dis elle me plaisait bien, elle me plaisait beaucoup. Oui. Tu vois, vraiment. Il y avait quelque chose de vraiment bien avec elle. Oui, tu voulais vraiment que ce soit ta meuf, quoi. Ouais. C'était pas juste draguer pour faire des petits bisous. On te connaît, Gaspard, ça va, c'est bon. Oui. Ok, d'accord. Elle te plaisait vraiment. Exactement. Ensuite, quelques jours après, je fais une soirée. Et, tu fais une soirée, pardon? Moi, je fais une soirée avec okay. Des gens. Et il se trouve que j'ai rencontré une autre fille. Et ouais. que ça marche aussi avec elle. Allez. Ok. Oui, c'est vraiment, on dirait vraiment un problème de gros baiser alors que. Bah, pardon excuse-moi, mais tu es Gaspard le Cotard, à mes yeux, et ça va être très difficile pour moi, Gasperme. Le petit fantôme. Gasperme, le petit fantôme. Et malheureusement, le titre de cet épisode. Non, bien sûr, Gaspard. Non, mais bien sûr. On ne parle que de cœur. Ouais. On ne parle que de cœur. Ici, on n'est pas chez. Voilà, là, on est dans l'amour ici. Ouais. Bien sûr, ça se voit. Et donc. Elle est vraiment très belle, la deuxième fille. Ouais. Et elle est vraiment genre beaucoup intéressée. Ok d'accord. Ouais. Donc là, ça fait que je me retrouve à parler aux deux. Ok. Sauf que il y en a une avec qui je suis sûr de sortir, tu vois, ouais. parce qu'elle est vraiment intéressée par moi. Donc ça, c'est la deuxième, c'est la nana de la soirée. Ouais. Okay. Sauf que je suis plus intéressé par l'autre. Et donc bah j'hésite entre les deux quoi. Enfin, oui. En gros, tu es plus intéressé, genre tu penses que ça pourrait être plus une vraie histoire avec la première, mais t'es pas sûr ouais. qu'elle soit intéressée. C'est ça. Ouais. Alors que la deuxième est intéressée, tu la trouves plutôt jolie, mais ce n'est pas ton coup de cœur, disons, ce n'est pas ton premier love à la manière de Tony Parker. Oui. Voilà. Ça paraît, c'est moins ça. Ça mais. Voilà. C'est ça. Bah oui, enfin, elle est très bien aussi la deuxième. Mais oui, non, mais c'est ça. Déjà, je tiens à te remercier, Gaspard, parce que là, vraiment, j'ai l'impression de faire une émission de radio comme celle que j'ai écoutée ado et ça me régale. Non, mais vraiment, je tiens à te le dire. Et quand tu dis, je suis désolé, on va être un peu dans l'intime, mais qu'est-ce qui te plaît, par exemple, dans la première? Bah, je sais pas. Enfin, quand je lui parle, vraiment, je sens qu'il y a, un vrai truc où ça se connecte, genre. Ouais. Alors que l'autre, ça va, mais c'est plus physique l'autre que visiblement, quoi. Ouais, mais aussi. Enfin, tu l'aimes bien aussi, mais. Ouais, oui, c'est vrai. Sachant que, précision, les deux ne se connaissent pas, donc. Ah. Je pourrais sortir avec les deux en même temps, même si c'est une très très très bonne idée. Attends, Gaspard. Gaspard, c'est-à-dire que t'as commencé en disant attendez, me prenez pas pour un gros baiser. Et là, tu commences à dire en vrai, je pourrais. Il n'y a aucun problème si jamais tu tiens tout le monde au courant et que tout le monde est d'accord. Si les deux disent ah oui, il n'y a pas de problème pour un polyamour, voilà. Il n'y a aucun souci. Mais t'as vraiment pas mes 17 ans. On dirait que j'ai un harem et tout, alors que vraiment, je suis toujours le plus gros puceau du monde. Bah oui, mais c'est justement, c'est ça qui. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu ce genre de problématique à ton âge. Moi, déjà, une fille intéressée, j'aurais fait un vœu. C'est justement ça qui me paralyse. Mais tu veux dire que, en règle générale, tu n'es pas quelqu'un qui est dans la séduction beaucoup. Genre, c'est un peu fou ce qui t'arrive en ce moment pour toi. Ouais, la preuve, c'est que j'ai envoyé un deuxième mail au Floodcast. Où le problème c'était, je suis addict à la masturbation. Voilà, donc voilà. Ça, donc j'avais plus ce genre de problème, moi. C'est plus ça. Là, j'aurais pas pu trouver de solution, par contre, malheureusement. Mais à part te dire, vraiment, utilise de la crème, sinon ça va t'irriter la bite. Mais j'imagine. Bon, ça, j'imagine que tu le sais, de toute façon, les jeunes d'aujourd'hui. Vas-y, Adrien, pardon. Non, mais le truc, c'est, est-ce que, parce que tu dis que t'es le plus gros puceau et que c'est incroyable et tout, t'as déjà réussi à séduire une fille qui te plaisait et tout, ou alors t'es pas très à l'aise dans cet exercice, quoi? Bah, vraiment, c'est fait de. Là, je suis en terminale et ça fait depuis la troisième que je suis pas sorti avec une fille. Ouais. Ok, ouais. Donc je comprends le truc. Je me mets de ton point de vue parce que moi j'étais sorti avec une meuf qui ne me plaisait pas du tout quand j'étais au lycée. Non mais je le dis. J'étais dans un truc. Je dis pas que j'étais un gars bien, mais justement parce que j'étais très seul et que je m'étais dit mais en fait t'en sais rien. Ça se trouve l'amour c'est y aller et peut-être ça va se créer comme ça. En vrai c'est pas débile de penser comme tu ça. Tu vois moi tu dis depuis la troisième. Moi au collège c'est encore pire, donc quand ça m'est arrivé je pense que j'étais en fin de première et j'étais jamais sorti avec une meuf, j'avais jamais galoché de meuf, etc. Et donc un peu comme toi, j'avais une meuf qui disait bah moi je suis intéressé par toi. Enfin j'avais compris qu'elle était intéressée parce que je sais pas si c'est comme ça dans votre époque des Instagram et des TikTok, mais à l'époque c'était la copine de elle qui disait je crois que je sais pas comment on l'appelle, Mélissa, et elle veut sortir avec toi. Je fais, bref. Et du coup, j'étais sorti avec elle et je suis resté avec elle 3 mois, ce qui, chez les lycéens, c'est des années chiens, hein, donc tu multiplies par 7. C'est énorme. Et je ne l'ai jamais kiffé, en fait. Ça ne m'a jamais plu, quoi. Tu vois, il y avait un truc qui ne marchait pas. Donc, j'aurais tendance à te dire, Gaspard. Là, les deux lui plaisent quand même. Hein. Non, mais c'est pour te dire que je comprends complètement ton dilemme et je comprends que tu te dirais. Enfin, je mets peut-être des mots dans ta bouche qui ne sont pas les tiens, mais je comprendrais que tu dirais. Pourquoi pas déjà faire avec celle qui déjà a l'air intéressée, parce que ça va peut-être moins être un râteau. Mais effectivement, là tu parles à deux amoureux de l'amour, donc on a un petit peu envie que t'essayes avec celle qui te plaise vraiment. Non mais en plus. Bah oui mais. Vas-y. Non ouais, je disais que ça s'annonce beaucoup plus compliqué avec la première du coup. Alors qu'est-ce que t'appelles compliqué? Parce que moi dans ma tête je me dis au pire, tu vois, potentiellement tu te bouffes un râteau et du coup. Plan B, j'allais dire, même si c'est horrible. T'as une meuf à qui tu plais et vu qu'elle se connaisse pas, elle en saura jamais rien. Mais pour toi, est-ce que c'est genre cette meuf, la fille qui te plaît beaucoup là, genre comment? Mais t'exagères. Enfin, elle te plaît, mais t'exagères. Ah oui. Voilà. J'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Bien mais sûr, bon, vous parlez genre, je sais pas, sur Insta ou sur TikTok. Ouais, par message. Ouais. Okay, ouais. Et genre pour toi, ça te semble insurmontable de lui dire parce que par message c'est faisable a priori, non? Ouais, mais ça gâche non un peu la séduction. Non, mais ouais, mais ça serait un peu trop tôt, genre. Enfin ouais, ce serait un peu trop tôt, je pense. C'est un peu trop tôt. Ça fait combien de temps tu dis que vous? Ça doit faire une semaine, quelque chose comme ça, ouais. C'est un bourlingueur là, une semaine. Non, pas du tout. Moi, j'aurais jamais osé. Mais ce que je me dis, c'est. Enfin, je te dis pas de la demander en mariage, quoi. Mais tu vois, enfin, de lui dire parce que là, genre, vous vous draguez, mais t'as l'impression que c'est un, qu'il y a un peu du répondant en face, ou c'est juste toi qui... Bah, je sais pas. En fait, je sens que elle rigole beaucoup à mes blagues. Elle est sympa avec moi, mais enfin, elle potentiellement, elle est comme ça avec tout le monde, quoi. Donc. Oui, je vois. Oui, oui. Et ça. Potentiellement, oui. Potentiellement t'es juste marrant, quoi, ça se trouve. C'est ça. Oui. Moi, le nombre de meufs que je faisais rire, et voilà, ça n'a pas enchaîné sur grand chose. Pareil. Hein. Voilà, on connaît. Et tu l'as rencontré comment, la première, si c'est pas indiscret? La première, elle est dans ma classe. D'accord, ok. Donc, est-ce que c'est une nana que tu fréquentes depuis quelques années, parce que vous êtes dans les mêmes classes, ou est-ce que c'est depuis la rentrée, ou Bah, c'est depuis. Enfin, on est dans la même classe depuis longtemps, mais ça fait genre à peine quelques semaines, voire. Ouais, bon, ça fait un ou deux mois qu'on commence à se parler. Ouais, mais ça, c'est bon point déjà, ça, je trouve. Pardon, hein, j'étais dans des clichés, mais si tu disais que ça fait des années que vous vous connaissez, machin, je te dirais, bon, effectivement, c'est peut-être plus difficile à négocier comme virage, mais là, au final, ça se tente, quoi. Est-ce que c'est encore... Je suis vraiment un vieillard, c'est terrible. Parce qu'au final, si elle n'est pas intéressée, est-ce que c'est encore la honte dans vos générations, ou est-ce que c'est OK? Si genre elle... Bah, là, c'est l'été, donc ouais. En soi, oh, malin. Si elle me dit non, c'est l'été, oh, on se voit plus. T'as pas besoin de nous du tout, en fait. Oh, excuse-moi, pardon, ça va le Jeff Bezos du couple là? En fait, ça va, je vais juste, on va couper l'enregistrement, je vais te demander des conseils, en fait. Parce que... Bah, ouais, alors effectivement, moi j'aurais tendance à te dire pourquoi pas essayer avec, j'ai envie de dire, le choix du cœur, tu vois, et peut-être qu'elle te dira. Peut-être qu'elle te mettra un gros râteau, ou peut-être qu'elle te dira bah c'est un peu tôt et machin. Tu dis ok, si c'est un peu tôt, ça veut dire que potentiellement on peut négocier machin. Mais peut-être que tu peux le négocier en mode est-ce que tu crois qu'on va vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à, tu vois, peut-être avec moins des mots du 16e siècle, mais, ouais. Mais en tout cas, t'as compris l'idée. Tu lui dis ouais, je pète mon crâne, Fortnite. Tu, vois, tu lui dis écoute, cette relation elle est éclatée au sol, pas du tout. Pour moi, c'est une masterclass cette relation, donc voilà. Non, mais voilà, en gros, tu vois avec elle, et effectivement, si jamais ça marche pas très bien. Peut-être que la deuxième te plaira plus. Parce que tu sais, non, ouais, et là je dis juste que mon petit truc, c'est de ma grande expérience. Parfois, parce que je t'ai parlé de cette nana du lycée que je n'aimais pas et qu'au final je n'ai pas aimé. Mais il y en a eu d'autres, un peu plus vieux, à la fac et même un peu après, où à la base j'étais pas fou amoureux. Et tu vois, la vie a fait que l'amour s'est créé pendant, et c'était assez chouette au final, c'était des belles histoires. Et puis en plus, t'as 17 ans, donc là l'idée, enfin, déjà vivre des jolies petites histoires, c'est déjà très cool à ton âge. T'es pas obligé d'être sur un truc sur 30 ans, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi un truc qui est important, c'est que là, en gros, je pense que t'es un peu dans un, comment dire. En fait, t'es un peu dans le ah, il faut absolument que je fasse un choix et tout, parce que comme tu dis, ça fait depuis la troisième que t'es pas sorti avec une meuf, et là il y en a une qui à qui tu plais, et du coup, en fait, je pense que t'es un peu dans un état d'esprit genre oh, l'occasion elle se représentera plus, peut-être pas de sitôt, oui, clairement, hein. Mais en vrai, je pense que il faut pas, enfin, c'est très, c'est plus facile à dire qu'à faire, je veux dire, mais ça, c'est un état d'esprit, et moi, c'est aussi un état d'esprit que après je me suis rendu compte dans tous les domaines, même dans mon métier et tout. Il faut se défaire de cette façon de penser, tu vois, et de dire si ça t'est arrivé une fois, il n'y a aucune raison que ça se reproduise pas. Tu vas plaire à d'autres meufs, tu vois, enfin. C'est pas genre une éclipse solaire, tu vois, c'est genre oui, tu plais une meuf, bah parce que tu es un gars plaisant, quoi. Et si jamais t'essayes de faire un truc avec la première meuf et que du coup l'autre se désintéresse et que c'est mort, et bah il y aura une autre meuf après et tout ça, quoi. Et je pense qu'il faut oui, vas-y, pardon. Bah non, mais je vais pas te couper, mais il y a des fois, il y a des meufs qui s'intéressent à moi, mais jamais aussi belles. Enfin, franchement, c'est... Ouais. Oui, mais si. Mais comme je te dis, il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas, quoi. Il n'y a pas une fois dans ta vie une meuf qui te plaît et qui est jolie et à qui tu plais. Enfin, c'est genre... c'est justement... Oui. Il faut, au lieu de se dire « Waouh, c'est incroyable ce qui m'arrive, ça ne m'arrivera plus », plutôt se dire « C'est incroyable ce qui m'arrive et c'est trop cool que ça m'arrive. » Et du coup, c'est la preuve que ça peut m'arriver et que ça m'arrivera encore, quoi. Après, le truc, c'est je sais pas. Non, mais en vrai, moi, je pense t'as tout intérêt à essayer d'être un peu plus comment dire, explicite avec la meuf qui te plaît vraiment. Avec la première, il faut tester. De toute façon, si comme t'as dit, c'est l'été, hein, franchement. Sans la demander à mariage, si t'es un peu plus explicite. Et si tu vois, tu verras tout de suite si elle est genre, elle est pas du tout réceptive ou pas. Et puis propose voilà, une date déjà, hein. Propose un truc, non mais genre un ciné ou une sortie quelconque juste tous les deux et vois comment ça réagit. Hein. Déjà si, enfin de mes petits souvenirs de râteau du lycée, quand ça commence à dire ouais, on pourrait y aller avec un tel, ou ça repousse sans cesse. C'est que ça pue un peu du cul, Le spectacle de Franck Dubosc, évidemment. J'ai failli le dire, après je me suis dit, putain, il aura peut-être pas la ref. Mais si, bravo. Si, bah oui, le spectacle. On appelle, d'ailleurs, maintenant, on appelle ça faire une Franck Dubosc. non, mais voilà, en vrai de vrai, oui. Exactement. Mais en tout cas, ce serait... Tiens-nous au jus, c'est ma petite série Netflix à moi, j'aimerais savoir où ça va tout ça. Mais, enfin, il y a le bac hein, d'abord, Gaspard, attention, hein, c'est les histoires d'amour, le côté cœur, faut bosser hein, quand même. Mais en fait, je disais que c'est, quand je parlais du truc d'état d'esprit, etc., c'était que je me souviens que, enfin, surtout à l'époque de Golden Moustache, il y a des gens qui disaient « Ah putain, j'ai une vanne, elle est trop bien, mais je la garde pour un projet plus tard qui sera mieux et tout. » Et moi, je disais toujours « Mais non, mais ta blague que tu trouves bien, mets-la dans un truc maintenant, là. » Et du coup, ça t'oblige à trouver un truc mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'as trouvé une blague que tu trouves géniale maintenant. Enfin, dans le meilleur des cas, tu la trouveras pourrie dans un mois. Et en fait, c'est justement en te disant, justement, si j'ai trouvé une bonne vanne, c'est que je suis marrant et que je vais pouvoir en trouver d'autres et que je vais pouvoir évoluer, etc. Et c'est en ça que je faisais un parallèle, c'est que il y a aucune raison que ce soit la seule fois où une meuf qui te plaît autant que tu plais autant à une meuf qui te plaît autant et tout. Donc, je pense que c'est un truc de confiance en soi, en fait. Mais c'est aussi toi de te dire, bah vas-y, écoute, si ça se fait pas, tant pis, de toute façon, il y en aura d'autres, quoi. Il n'y a pas de raison que je plaise pas plus tard, quoi. Mais tiens-nous au jus, comme ça, on pourra être les parrains de votre futur enfant. Sans te mettre la pression, bien sûr. Si vous sortez ensemble, tu la demandes en mariage sur scène dans une des dates de la tournée du podcast. De la tournée du podcast. Ah, malheureusement, je n'ai pas pu prendre mes places. Franchement, si t'arrives avec la première, et n'y va pas avec une pote en nous croire que c'est elle, on saura te débusquer. Et en plus, t'es à Paris, donc l'Olympia. En plus, oh là là, pas mal. On met ton nom sur les lettres en rouge sans mettre la pression. Voilà, si tu arrives, on écrit Floodcast et en dessous on met Gaspard et je sais pas le prénom de la meuf, on va dire Églantine. Voilà, Églantine, Gaspard veut sortir avec toi et après toi t'as juste à prendre une photo, là tu la postes et hop. Voilà. Mais sortez ensemble avant. Hein, mais essaye d'éviter parce que c'est vraiment des foules. Ouais, c'est vraiment ça, bah bien sûr. Voilà, Gaspard, écoute, voilà, on a répondu à ta question. Partiellement. Bon, mais... partiellement, t'as dit. Bah ouais, mais il est honnête. Un peu dur. Ouais, mais il est honnête. Non, mais c'est bien. T'as, au moins, t'as pris la confiance et c'était ça mon conseil. Donc, même si c'est un peu humiliant pour nous, au moins, c'est que tu étais dans la bonne direction. Non, vous êtes des super conseillers. Bon, tant mieux. En meuf, en plus, on est les best. Non, mais en fait, le problème en plus dans ce genre de truc, c'est que juste le conseil, c'est juste de, tu vois, oser quoi. Enfin, tu vois, donc il n'y a pas de vrai. Oui. Mais le bon côté. Pardon hein, pour cette demoiselle, mais il y en a une deuxième au cas où, quoi. Donc c'est quand même, pour moi, c'est un problème de riche. Voilà, tout simplement, ce que tu possèdes. Mais justement. Mais c'est pour ça, autant problème de riche, et justement, fais un all-in et au pire, tu pourras avoir la deuxième. Ou un big flow, non ? Big flow et all-in, tu peux faire les deux. Est-ce que tu veux passer une dédicace, Gaspard, à ton lycée peut-être ? Ce serait mon rêve. Oui, à mon lycée. Hein. C'est un lycée quoi ? Lycée Fénelon, général. Allez. Ça me fait plaisir. Mais attends, là, il n'y a pas moyen que, genre, du coup. On n'a pas dit les prénoms. Ouais, mais toi, c'est ton vrai prénom. Non. Mais ça va, c'est pas l'image la plus culte du monde, ça va. Est-ce que tu veux qu'on coupe. Non, mais en vrai, tu veux qu'on laisse la dédicace ou pas? Bah oui, ça va. Ok, d'accord. Mais ça se trouve, du coup, il y a quelqu'un qui va dire « Eh, mais j'ai entendu Gaspard, nanana, dans le podcast. » Ouais, mais il n'y en a pas dit les noms des meufs. Bah après, c'est fini. Je passe le bac, donc après, c'est fini. C'est terminé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ça se trouve, ça va accélérer les choses, si ça se trouve. Putain, ça se trouve... Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va déduire qui c'est la meuf, qui va lui pas mal. Va dire « Bah, Gaspard, je te kiffais depuis avant que tu le saches. » Oh là là, sublime. N'importe quoi. Oui, vas-y. Si vous étiez des vrais animateurs radio, on l'aurait appelé en direct. Ouais, c'est là où on reste enthousiaste et qu'on fait attention aux autres. Mais t'aurais détesté qu'on fasse ça, on est d'accord. T'aurais détesté l'appeler là en direct. Ah bah oui, bien sûr. Oui, d'accord, on est d'accord. Vous avez raison, évidente. Donc tout le monde aurait détesté. On aurait appelé des hôtels Chappé. Et t'aurais dit suce-moi. C'était ça, on aurait été excellent. Et après, on aurait invité Marine Le Pen. On sait pas de qui on parle. Gaspard, écoute, merci de nous avoir appelé. On t'offre deux places pour aller voir People Jet Set 2. C'est un film podcast, ça te fait plaisir? C'est quoi? Non, c'est un running gag. C'est un running gag, je pense que personne ne comprend vraiment la blague. C'est pas grave. J'espère que je le comprendrai en écoutant l'épisode. Peut-être pas. Pas sûr, hein. Bah écoute, en tout cas, merci Gaspard de nous avoir appelé. Bah merci beaucoup. Salut hein, gars, bisous, bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Oh, tu l'as raccroché au nez. Ouais, j'ai un peu raccroché au nez, mais c'est pas très grave. Écoute, Gaspard. Le Gasperme. Et on prend tout de suite un nouvel auditeur. Il s'agit d'une auditrice, puisqu'il s'agit d'Héloïse. Allô, Héloïse? Allô. Bonjour Héloïse, comment vas-tu? Ben ça va très bien, et toi et vous? C'est Florent et ça Adrien va, du Floodcast, on est ravis de t'avoir au téléphone. Bon tant mieux. Comment vas-tu Héloïse? Bah écoute, très bien, je m'attendais pas trop à ce que vous m'appeliez, donc... Écoute, nickel. Non, mais si, ça nous fait plaisir de t'appeler. Quel âge tu as, d'où viens-tu, si ce n'est pas indiscret bien sûr? Alors j'ai 22 ans et je viens de Bretagne. D'accord, Kenavo bien sûr, c'est le petit terme que vous dites évidemment, là-bas. Évidemment, le Finistère ou pas? C'est le seul terme que nous disons, oui, Finistère, Brest. Ah, oh, Finistère Nord. Évidemment. Et oui. Héloïse, tu fais quoi de beau dans la vie? Bah là, je suis en études, je suis en fin d'études en Master 2. Et études de quoi, si ce n'est pas? Gestion de l'environnement, pardon. Sublime. Ah bah donc, tu vas potentiellement sauver la planète. C'est l'objectif, oui, ça a l'air compliqué, ouais. Mais on va essayer. Bon, bah cool, merci. Je te dis déjà merci. C'est déjà très gentil de penser rien, aux de autres. Rien. Enfin, moi, je suis mort dans 10 ans, mais pour les générations futures, merci. Moi aussi, peut-être. Hein, Ma fille te dit merci. Héloïse, pour quelle raison nous appelles-tu? Alors, en fait, j'ai un bleu au doigt de pied. Okay. Sur l'orteil, le gros orteil, et c'est pas hyper beau. Ok. Donc voilà, ça fait 3 jours que je le vois. C'est à cause d'une petite rando de 10 heures. C'est un peu nul. Voilà. Sur l'orteil gauche, orteil droit? Orteil droit. Orteil droit, d'accord. Et ça te fait mal? D'autant plus problématique. Eh ben non, même pas, ça fait pas mal. C'est juste quand je porte des tongs, comme je suis tout le temps pieds nus ou en tongs, ben c'est pas hyper classe, mais on s'en fout un peu. Donc, Vas-y, Adrien, pardon. Ah bah et du coup, tu cherches une solution pour faire disparaître ce bleu, pour le camoufler, le maquiller, pour l'assumer? Qu'est-ce que tu cherches comme d'un solution? D'un côté, je commence à m'attacher à lui un petit peu, parce que quand même, ça fait... Il est... Ah, allô? Ah, Florent a tout gâché, malheureusement. Tout gâché? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va partir ça y est. Un jour. Ok, attends, tu peux juste nous répéter, on a eu un petit souci de son, pardon, dis-nous. Ah oui, je me demandais juste en fait s'il allait partir un jour, quoi, parce que j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc, A priori, quand même, oui. Un bleu, ça finit toujours par partir, je pense. Ça dépend. Attends, sous l'ongle. L'ongle. C'est sous l'ongle. Et oui, sous l'ongle. Alors, l'ongle est coquin, attention. Alors, j'ai eu des. Alors, c'est marrant, putain, mais c'est fou, à chaque fois, c'est des gens. C'est vraiment. On est pile dans le sujet. Non, mais moi, j'ai eu souvent ça après avoir fait du sport, des bleus sous les ongles. Et tu peux perdre l'ongle sans vouloir te faire. Alors ça fait pas mal. Ah hein. Oui. Ça fait pas mal, mais. Il y avait un truc joli. Ah oui. Non, mais ça peut arriver. Enfin, peut-être pas. Tu peux le perdre partiellement, quoi. Mais en gros, ça m'est arrivé d'avoir des bleus sous l'ongle et en gros, en fait, l'ongle repousse et du coup, t'as une grosse partie de. Donc tu te retrouves avec un ongle tout fin pendant un moment, mais ça fait pas mal. Hein. Je te rassure. C'est juste pas très beau, quoi. Tu t'es pris un gros truc sur le pied, non? Parce que moi, j'ai juste marché, quoi. Non. Je te dis, c'est pareil. C'est en faisant du sport. Ça m'arrive, mais moi d'en avoir genre 3, quoi, des orteils bleus, quoi. 3 orteils en même temps. Ouais. Bah parce que moi, bleu, je fais, c'est le moi sang, je suis un mec, je fais les choses à fond, quoi. Donc... Mais parce que ce qui est bleu, c'est un hématome, donc j'imagine que c'est du sang. C'est ça. Et t'as essayé de le soigner avec, je sais pas, de l'alcool ou des choses? Je pense pas. Alors, que ça... j'ai bu de l'alcool, mais je suis pas sûr que ça ait. Oui, bah t'es bretonne. C'est comme ça que tu t'es fait le bleu, on a bien compris. Mais je sais pas, non, bah, j'ai pas trop essayé. C'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'il est là, donc je le regarde un petit peu, quoi, par-ci par-là. Mais... Bah, en vrai, je crois que le seul truc que tu puisses faire, c'est voir un prédiction au podologue, je sais pas, et de percer le truc pour évacuer le sang. Je crois que c'est le truc. Alors, il y a le, moi, ce que je peux te conseiller avant d'arriver à percer l'opercule. j'ai eu un souci à l'orteil. C'est ce qui fait que j'ai pas pu aller, par exemple, à bientôt de te revoir avec Adrien. Et alors, c'était évidemment beaucoup plus gore, et je vais éviter de dégueulasser les oreilles de nos amis auditeurs. Mais pour calmer le truc, ce que j'avais avant, parce que moi je suis passé par ton problème que tu avais, donc moi c'était plus, comment dire, graphique, mais il y a eu un peu de la couleur bleue, et je prenais du ce qu'on appelle du daquin. Tu fais des bains de pied au daquin, et ça apparemment c'est assez bon pour calmer un petit peu l'afflux de sang, pour tout ce qui est. Alors, nous, moi, c'est donc un ongle incarné qui a dégénéré, mais voilà, peut-être que ça peut calmer ton petit problème à l'orteil, ce qui s'appelle daquin. Et effectivement, si ça ne se calme pas, parce que ce qui risque de t'arriver, c'est que le bleu devienne noir, parce que c'est ce qui pourrait arriver. Je suis déjà sur la phase marron, hein, donc bon. De comment, pardon ? Je suis déjà en phase marron là. Ah, donc voilà, on n'est déjà plus trop dans le bleu. Mais donc il y a une évolution. Il y a une évolution, donc l'ongle va sauter, malheureusement. Non, mais je pense qu'effectivement, prends du daquin, et si ça continue, effectivement, allez voir un podologue qui va t'aider au mieux. L'arracher. Pour... Non, mais peut-être peut-être percer le truc, peut-être c'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais effectivement, c'est sans douleur. Voilà. Oui. S'il y a opération, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est local, hein, donc une anesthésie locale, pardon, donc ça ne te fera rien. Et attends, je viens d'avoir une idée toute bête, mais qui pourrait être, si c'est vraiment juste l'esthétique le problème, est-ce que tu es réfractaire à te mettre du vernis sur les ongles ? Enfin, mais faire un effort, putain. Ouais, mais après, ça peut faire effet vernis aussi si je le laisse comme ça. C'est vrai, ceci dit. Oui, mais du coup, il y a une différence, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait que tu te mettes. Soit tu te blesses tous les autres orteils. Ouais, je peux faire ça aussi. Ou alors tu te trouves un vernis couleur bleue, quoi. Ou porter des chaussettes dans mes tongs, sinon. Dans les tongs, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut que t'achètes faut que tu trouves des chaussettes avec l'orteil séparé, non ? Oh non, ouais, c'est des chaussettes un peu grandes, ça marche. Hein. Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais ça c'est du bricolage pour moi. Soit on fait les choses bien, ça il déteste ça. Non, mais ouais, des bains de pied, Héloïse, hein, ça me paraît quand même être le mieux là, en attendant. Hein. Ok, ouais. Bon, je vais tenter le Dakar, on verra bien. Hein. Bah c'est ça, mais du coup, tu continues les randonnées ou pas ? Ouais, oui, c'est pas... Non, mais parce que ça, c'est sûr que ça va pas calmer le truc. Puis... Parce que ça fait combien de temps que tu fais des randonnées, si ce n'est pas indiscret ? Oh, bah c'est juste, là, il y a eu des gros week-ends, donc il fallait s'occuper, donc rando, quoi. Mais c'est une activité que tu pratiques depuis des années, ou c'est assez récent ? Bah, je marche tout le temps, après, la rando même, c'est très aléatoire, on va dire. Ok, mais quand même, ça fait quelques temps que tu le fais. Ouais, ça fait peut-être depuis que j'ai 10 ans, je pense. Voilà. C'est la première fois que ça t'arrive d'avoir un bleu comme ça ? Bah ouais, je sais pas, ma chaussure était peut-être trop petite, j'en sais rien. Bah peut-être, il y a peut-être un problème. Et en règle générale, tu prends pas des bains de pieds ou tu prends pas soin de tes pieds entre les randos ? Ah non. Ouais, c'est ça, t'es roots. Ouais, je suis un peu roots. Je fais partie de la même team. Je connais pas trop l'intérêt de faire des bains de pieds, donc j'en fais pas, quoi. Bah oui, je comprends, mais... Ouais, mais moi j'étais comme toi, Héloïse, et puis un jour, satané ongle incarné. Non, mais bien sûr, je comprends complètement. Mais ouais, peut-être petit bain de pied, écoute. Mais de toute façon, si tu continues à faire des randos régulièrement, ça va pas calmer le truc, hein, je pense. Donc ouais, peut-être un petit podologue à aller voir, Héloïse, voilà. Ok. Bon, t'as pas beaucoup aidé, hein, désolé, mais on t'a apporté quelque chose. J'ai retenu le daquin. Tu peux acheter le daquin pour parler à ton pharmacien, peut-être qu'il te proposera d'autres marques excellentes. Et d'accord, évidemment, n'hésitez pas à nous sponsoriser. Ce serait méga classe d'être sponsorisé par un bain de pied. Héloïse, que tu veux faire une dédicace ? Passe une dédicace pour quelqu'un ? Dédicace à tous les gibiotes qui sont en cours avec moi, qui sont à fond dans le mémoire là, puisque c'est vraiment la galère. Et puis. Gibiotes ? Ouais, c'est ma promo. C'est la meilleure promo du monde. D'accord. Ok, putain, j'aurais tellement aimé. Et il y en a pas mal qui vous écoutent en plus. Donc, Ça va leur faire plaisir. Ça leur fera plaisir. Écoute, merci beaucoup Héloïse, on t'offre deux places pour aller voir Sauver Willy 4, le repère des pirates. C'est un film floodcast, ça te fait plaisir ? ouais, grave, merci. Grand plaisir, écoute, c'est normal. Et puis on te dit à très bientôt. Ouais, à plus. Bisous, Héloïse. Profitez bien. Merci, toi aussi, ciao. La moitié des gens pensent vraiment qu'ils gagnent des places de cinéma. J'ai hâte qu'ils envoient des mails en disant excusez-moi, mes places pour Sauver Willy 4. On va être cancel, ils vont faire des tweets. Je n'ai jamais reçu places de cinéma. Sauver Willy 4. Et on va prendre un dernier auditeur et ensuite on s'écoutera un petit son. On s'écoutera Good Charlotte ensemble. Allô. Allô, Quentin. Ouais. Oui, Florent. Bonjour, c'est Florent et Adrien du Floodcast. Bonjour Florent et Adrien. Salut. Quel plaisir de vous avoir. Bah ouais, écoute, ça fait partager. Le plaisir est partagé. Tu nous appelles d'où? De Caen. De Caen. Ah le... c'est marrant. Ah c'est marrant. Sauce magique beau gosse, bien sûr. Ouais, vous avez la ref maintenant. Bah, bah, attends, ouais, tu évidemment. Rigoles. Tu y allais avant la célèbre chanson de Aurel San? Et bah, je me tirais parce que j'ai pas envie de faire de mauvaises pubs à ce kebab. Ah, bah c'est trop tard. Ouais, c'est mort. Bon, en disant ça, c'est fait. Ouais, c'est même pire que si tu disais. Ce n'est pas ton kebab préféré de Caen? Non, malheureusement, non. Non, mais après, c'est un très bon kebab. Moi, j'y suis allé il y a quelques années lorsque j'étais un étudiant assez naïf. Et que, enfin, voilà. Ok, mais t'as un kebab à, peut-être justement? Créons une sorte de Gang of New York à Caen de kebab. Il y a un kebab que tu kiffes à Caen? Et ben bah, le 202, okay. Le 202 pour le Chicken Chica. Allez, je me rappelle. C'est très très bon, très très délicieux. À l'époque où je bouffais des kebabs, je me prenais toujours Chicken Chica. Ah ouais? Ouais. Ah, la belle époque. La belle époque. Quentin, tu fais quoi de beau dans la vie? Alors moi, je suis artiste plasticien. D'accord, génial. J'ai été diplômé des Beaux-Arts de Caen l'année dernière. Monsieur. Ça va. Et là j'ai mon atelier à Caen et puis voilà, c'est un choix précaire mais dans lequel on se démêle un peu. Donc voilà, c'est cool. Ouais, ça va, tu kiffes? Ouais, en vrai c'est kiff, c'est juste dans la création. Au début, tu vas trouver une sorte de d'économie de vie. Après, le terme est un peu lourdeau, toi, mais ouais, non mais c'est une question qui se pose, hein. Moi c'est vrai que j'y connais rien du tout, et du coup les gens viennent dans ta galerie et achètent potentiellement des œuvres, comment ça se passe? Alors c'est pas du tout une galerie, c'est vraiment un atelier. On est subventionné par la ville, c'est un atelier de création. Okay. Et donc du coup on est plusieurs artistes des Beaux-Arts et voilà. Combien, vous êtes plusieurs. Et toi tu fais quoi? Si t'as une spécialité, c'est quoi? Peinture, sculpture? Moi c'est plus de la sculpture, installation, performance, on va dire. Trop bien. Voilà, ça reste un peu dans les dans la case du de l'artiste contemporain conceptuel de merde, en fait. D'accord. Tu trempes ta bite dans de la peinture et tu mets sur une toile. Non, et tu hurles en allemand. Et Trax, ça fait déjà 3 reportages sur toi. Non, en vrai, non, c'est juste. Je vais faire court parce que ça va être chiant. Mais non, c'est intéressant si on te demande. On coupera au montage. Non. En vrai, c'est. Ma pratique se tourne autour de la déconstruction de l'artiste vis-à-vis de sa matière, en fait. Okay. T'as balancé une tarte sur la Joconde il y a pas longtemps, c'est toi, t'es en train de me dire. Ouais, mais j'étais bien déguisé. Ouais, c'est et vrai que t'étais très bien déguisé. Non, mais voilà. Et puis à partir, en fait, je me consacre sur une relation au plâtre et j'essaye de tuer un peu les désirs de domination que les artistes ont sur la matière pour laisser apparaître tout le potentiel du plâtre, voilà. Super intéressant, putain, pas mal. Mais c'est pas pour ça que tu nous appelles, Quentin. Quel est ton souci? Alors, mon souci, c'est que, ça a commencé après le premier confinement. J'ai passé le confinement dans le Perche, chez mes parents. Et ensuite, je suis remonté sur Caen pour vivre la vie un peu nouvelle post-Covid. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fientes devant mon appartement, devant la porte de mon appartement. On va dire que c'est un vieil appartement. Pour entrer dedans, il y a une petite cour. Okay. Et il commençait à y avoir un peu de merde. Et au début, j'y prêtais pas forcément attention. Attends, on parle de merde de quelle taille? En fait, c'est des fientes. C'est vraiment. Ouais. Je pense que ça se mesure en 1,5 cm. Oui, d'accord. Que, c'est pas juste des gens qui chiaient dans chez toi, quoi. Non, c'est des pigeons. Okay. D'accord. Et je pense qu'un pigeon, ça chie énormément une journée. Et en plus, ça dépend du nombre d'anus. Je sais pas comment on appelle un anus de pigeon. Un cloaque, non? Je sais pas. Ah, peut-être, si c'est comme la poule. Ouais, peut-être. C'est logique. Je sais pas. Ah, allez. Disons anus, hein. On passe entre nous, disons anus. Non, ils vont pas nous en tenir rigueur. Oui, non, je crois que ça va. Et au début, j'y prêtais pas trop attention. Je faisais juste attention quand j'entrais chez moi. On est d'accord que c'est et devant chez toi, dans la rue quand même. Ouais, oui, c'est, en fait, pas c'est pas palier, totalement quoi. Dans la rue, tu vois. C'est comme si t'avais une rue et t'avais un petit enfoncement, en fait. Un petit enfoncement. D'accord, ok. Un Porsche, quoi, un peu... Comment ? Une sorte de Porsche ? Ah, pas forcément. Non, c'est vraiment à ciel découvert, en fait. C'est, d'accord, je sais pas ok. Comment, ok. Il faut imaginer comme s'il manquait un bâtiment et que... D'accord, oui, ok. Vraiment un trou, quoi. Une allée, enfin oui, ok, d'accord, je vois. Et à cet endroit-là, il y a plein de merde, ok. Il y a plein de merde. Et donc, au fur et à mesure, ça commençait à me taper sur les nerfs, sachant que voilà, les journées sont pas forcément faciles. Et le soir, quand tu rentres, t'es obligé de traverser vraiment un petit lit de fiance. Un peu terminé, quoi. Ouais, non, mais vraiment, c'était vraiment l'enfer. Et en plus, alors il y a plein de soucis qui viennent à côté de ça, c'est-à-dire que toi tu marches dedans, donc du coup en fait t'en ramènes dans les zones partagées. Ouais, les parties communes. Ouais, les parties communes, pardon, voilà. Non, mais je j'adore l'immobilier, je suis Julien Courbet, donc Stéphane Plaza, j'ai raté ma blague. non, mais et en fait, alors par exemple le bois, l'escalier est en bois, donc du coup ça absorbe. Oh là là. Ça pue, mais l'enfer. L'immeuble se transforme en merde de pigeon énorme, ça, c'est horrible. Mais non, mais en chiottes, en chiottes immenses. Parce qu'il y a même j'ai mes voisins qui ont posé des petites bougies anti odeur de merde. Quoi. Ah, j'ai cru que c'était des bougies en hommage au bois qui est mort, moisi par la merde de pigeon. Les chiottes des vieilles charrues, mais en pigeon. Il passe Kendall et Lewin de d'Elton John. Mais attends, mais la merde de pigeon, ça pue. Ah bah oui. Ah, ouais. Ah bah oui. Bien sûr, ça reste de la merde. En vrai, ouais, bah bon. Bah, moi, je m'y connais pas trop. Après, je pars du principe que c'est de la merde. Et puis, en plus, ça véhicule pas mal de maladies. Je me suis pas mal renseigné après pour. Ah, bah, c'est sûr. Mais ça véhicule pas mal de maladies. Et ouais, même genre quand tu rentres chez toi, alors t'as forcément marché dans de la merde. Donc, du coup, t'es forcément, j'aime bien le forcément. Tu rentres chez toi, t'as forcément marché dans la merde, c'est sûr. Là, c'est un niveau où c'est obligé, quoi. Ben en fait, je peux essayer, mais en fait, il faudrait. Mais vraiment, non, en vrai, c'est presque impossible. Ah ouais, vraiment. Mais c'est à ce point-là. Ce que t'es en train de nous dire, c'est que c'est Squid Game. C'est ça, ni plus ni moins. C'est Squid Game avec de la merde de pigeon. Oui, exactement. Non, mais c'est vraiment le sol est tapissé de merde, vraiment à ce point-là. Bah en vrai, le sol est pas constamment tapissé. C'est seulement quand il pleut et quand c'est pas connu pour être ensoleillé tout le temps. Donc, d'accord, coup, ok. Ouais. Oui, en fait, il se cache là-dessous, enfin là-dedans, et il chie, quoi, en fait, c'est ça le truc. En fait, ouais, il se cache sous le toit, sous la gouttière. Et d'ailleurs, très drôle, il y a une semaine, j'ai vu que les pigeons, en fait, avaient dégagé les pics anti-pigeons. Oh ! Ah bon. Donc en plus, c'est des génies. C'est vrai, en plus, c'est des pigeons. Les minus et cortex, c'est des pigeons. Des pigeons zèbres. et alors, le plus. Alors, il y a de la merde, mais aussi des fois. Alors, c'est arrivé trois fois, mais c'est assez improbable et assez glauque pour le comment dire, s'arrêter dessus. Il y avait trois têtes de pigeons à des moments différents. Quoi ? Décapité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, là, ça voilà, t'as un voisin énervé. Je pense que t'as un voisin qui a fait, bon, pour leur faire comprendre qu'il faut jamais revenir, j'ai vu ça dans Game of Thrones. Je maîtrise les shurikens. Je vais décapiter trois pigeons, les mettre sur des pics pour que les autres pigeons disent, ok, on revient plus ici. C'est des ouf. Mais attends, il y avait des têtes de pigeons sur le sol ? Ouais, en fait, c'était sur le sol. Parce que vu que je suis attentif à la mère de pigeons pour éviter de marcher dedans, bah, je regarde le sol et à plusieurs moments, il y avait des têtes. Après, ouais. Alors, c'était pas des têtes coupées, c'était vraiment des têtes arrachées. Alors, je me dis, soit c'est un voisin, ou soit vraiment il y a un chat qui rôde, mais en vrai, aucune idée. Ou alors un pigeon qui avait vraiment une très violente chiasse, quoi, jusqu'à à perdre la tête. C'est vraiment là, c'est très très violent, quoi. C'est sorti de tous les coins. Ah oui, non, c'est très vénère. Mais et t'en as parlé avec les autres voisins de ton immeuble ? Alors, on va dire que... Non, j'en ai pas parlé, mais j'en entends, en fait. Vu que l'immeuble est très mal isolé, je pense que les voisins... Pour le moment, c'est 505, cet immeuble. C'est une très belle situation dans laquelle tu te trouves, là, non ? J'ai l'impression. Là, quel c'est... kiff. Pardon, pourquoi t'es allé dans le perche, en fait, pendant le confinement ? Je comprends pas. T'aurais pu te faire des bains de merde, jouer avec des têtes de pigeons et entendre absolument tout ce que disent tes voisins, vu qu'ils étaient chez eux toute la journée. Pourquoi non, mais j'ai entendu un de mes voisins qui s'appelle Xavier Dupont. Bon, faites pas attention à lui, qui a une petite carrière dans le bâtiment. Ah non, mais oui, c'est très vénère. Et donc, oui, t'entends les autres voisins s'en plaindre. Ouais, mais parce que, alors, c'est, en fait, le, alors, j'ai oublié un détail, c'est que, alors, on se plaint de la mer, mais en fait, c'est arrivé vraiment, alors, j'allais dire du jour au lendemain, il y a comme eu un confinement, entre le jour et le lendemain, mais un jour, en fait, pendant le deuxième confinement, enfin, je sais pas comment on l'appelle. Ouais, le confinement reloaded. Pardon. Et genre, je suis à ma fenêtre donne sur cette cour, et je vois un de mes voisins, quelqu'un d'assez âgé, qui sort souvent comme s'il allait se coucher, en fait. Il sort en pyjama, qui n'est pas très social et à l'aise quand on se croise dans les parties communes. Et en fait, je le vois rôder. Alors, ouais. Je regarde une fois, je continue pas, enfin, je l'observe pas. Sauf que 10 minutes plus tard, en fait, il est toujours au même endroit. Ok. Et en fait, je regarde, et en fait, il lâche d'un coup, mais sans regarder, comme s'il sifflotait. C'est une image, hein, mais. Ouais. Il lâche des graines, en fait. Enfin, Genre, c'est sa tête coupée à lui que tu vas trouver, je pense, par terre. Ça va être vénère. Quoi? C'est sa tête coupée à lui que tu vas trouver un jour par terre. Visiblement, tu as le coupable. Non. je sais pas si j'arriverai à. À trancher une tête humaine. Oui, je comprends. Ouais, je pense qu'il faudrait que je mange un peu plus. Oui, que, voilà, oui, d'accord. Très bien. Mais donc, non, c'est... mais en fait, voilà, genre, je me suis dit, putain, ce mec. En fait, je trouvais ça à la fois triste, beau et tellement chiant, tu vois. Le mec, je me suis fait une vie. C'est ma description Tinder. Triste, beau, mais tellement chiant. mais tu sais qu'en vérité, bon, alors là, tu deviens quelqu'un de très cool et tu rejoins ma team, des gens très cool avec le voisinage. Ouais. Tu peux faire appel à un arrêt préfectoral, en fait, parce que vu que les pigeons sont des animaux sauvages, tu peux faire interdire, en gros. Pour enfin tu vois que personne leur donne à bouffer rien et que la mairie se prenne en charge les pigeons pour les éloigner puisque vu qu'en plus les pigeons effectivement c'est comme tu l'as dit toi-même c'est vecteur de maladies et d'infections normalement tu peux avec un arrêt préfectoral faire en sorte que voilà la mairie prenne ses dispositions alors comme tu le dis ils ont enlevé les pics donc cela dit peut-être qu'ils ont enlevé les pics justement avec leur tête et que ça expliquerait pourquoi d'un coup les têtes ont été arrachées au sol mais en tout cas oui tu peux faire en sorte en tout cas de demander j'avais vu un reportage avec une vieille qui c'était genre le cauchemar de ses voisins et c'était pareil une vieille qui nourrissait les pigeons et, et du coup tout le monde lui demandait d'arrêter parce qu'effectivement c'était devenu un enfer donc t'as un problème qui ne et je sais pas si les auditeurs nous le diront sur Twitter mais c'est un problème qui touche plein de gens hein. Mais ouais, mais c'est quand même dingue que, enfin, j'imagine que ça touche tellement de gens. Mais moi, j'en ai parlé à plusieurs de mes amis et à chaque fois, c'était, va directement voir le type, va voir ton contact, je suis des sexistes. Hein, non, mais copropriété, pas de souci. Copropriété, merci. Et non, ça fait rien. En fait, les gens de la copro et même de la copro du bâtiment à côté, en fait, sont allés toquer chez lui. Ouais. Ok. Alors, moi, je suis pas allé le voir parce que j'aime pas trop les conflits. Et puis. Oui, t'es un lâche. Moi, je suis pareil. On est dans la même team, t'inquiète pas. En gros, si le mec, c'est son seul contact avec, ou sa seule excuse d'aller dehors, enfin, je sais pas, je lui allaisse. Oui, je comprends. Moi, c'est ce que je me disais aussi, ouais. Mais ouais, c'est pour ça que je trouvais ça assez triste. Mais en gros, un mec est venu le voir et lui a dit, mais il faut arrêter, en fait, c'est pas possible, genre, c'est dégueulasse. Et lui, en fait, disait, mais je fais ce que je veux, je continuerai parce que j'en ai envie et vous avez pas le droit de m'interdire de faire. Ouais, il veut faire chez ses voisins, là, hein. Je pense qu'il y a un peu un truc de. Non, mais il y a peut-être une solution à trouver ou genre. Achetez-lui un chat, un truc. Non, mais tu vois, s'il y a genre. Si en gros. En fait, le problème, c'est que là, les pigeons, ils ont de l'espace pour se percher et du coup, ils chient partout, quoi. Mm. Ouais. Et si jamais ils trouvent un système plus efficace que les pics, parce que visiblement, les pigeons les enlèvent, tout en laissant peut-être un espace où les pigeons peuvent aller, tu vois, et qui empêche pas de passer, qui tapisse pas le passage de merde, ça veut dire que le mec peut quand même filer à bouffer aux pigeons. Et vous pouvez quand même marcher. Mais au pire du pire. J'ai du mal à imaginer que des gens se feraient chier à, à non, trouver un tel compromis. Mais Quentin, au pire du pire, je faisais des petites recherches sur internet pendant que vous discutiez. Tue le gars. Il y a le site stop-pigeon.fr. Le mec, il a dit c'est trop. Non, c'est trop. stop-pigeon.fr qui te propose de vendre des boîtiers Stop Bird Pro. Le boîtier Stop Bird Pro est un dispositif professionnel mis à disposition des particuliers. Le boîtier émet de hautes fréquences modulées et agit sur le système nerveux des volatiles pour les repousser. Rayon d'action 25 mètres à 30 mètres carrés en environnement ouvert. Attention, le dispositif spécialement paramétré contre la nuisance des pigeons de toute race, dont les tourterelles, mais sans effet sur les autres espèces d'oiseaux. Ça ne marche vraiment que sur les pigeons, apparemment. Et ni sur les humains, par exemple. Non, écoute, même les humains, parce que les ultrasons. Inoffensifs pour les animaux, les infrasons produits par l'appareil ne sont pas dans le spectre auditif des animaux ou des humains, écologiques et sains. Aucune installation, pas de bruit. Faux, je pense. Mais... Un ami m'a recommandé votre site, je trouvais un peu cher, mais le résultat est effectivement livré avec déjà la pile installée. Détail que j'ai apprécié. Ah oui, il y a une pile quand même. C'est cher, mais il y a une pile. Hein. Et combien ? T'as le prix ou... Ouais, je te dis le prix tout de suite. Ce petit Stop Bird Pro coûte la coquette somme de 60 euros. Bon, ça va, 60 balles. Bon, ça va le pouvoir d'achat, là ? Non, mais je m'attendais vraiment à pire. Mais alors sinon, ce que tu peux faire, je sais pas si le lynx est un prédateur du pigeon, mais il se trouve qu'en fait, on a une auditrice qui nous a appelé parce qu'elle avait des problèmes de fouine. Et il s'avère que le lynx est un prédateur naturel de la fouine. Et du coup, je lui ai imité le lynx pour qu'elle diffuse le son. Alors on pourrait te le refaire, mais malheureusement il y a des voisins. Je vais pas le refaire parce que de toute façon tu as juste à prendre écouter l'épisode et tu as une sublime imitation d'un lynx que bon, tu peux toujours tenter de... Contre les pigeons. Voilà, si jamais, le lynx est un prédateur du pigeon, ça peut marcher. Voilà Quentin. Ok, merci. Bah écoutez, merci beaucoup. Moi, tout ce que j'avais fait pendant ce temps, c'était de lancer des graines de poivre comme un con. Parce que ça en disant, elle va se tromper. Tu pensais que le pigeon allait se tromper et faire « Oh, c'est dégueulasse, on va plus jamais, je reviens ici. » C'est devenu dégueulasse. Ils ont laissé un avis TripAdvisor et tout. Avant, c'était très bon. Maintenant, c'est beaucoup trop poivré. Ça a changé de propriétaire, c'est pas possible autrement. C'est beaucoup trop poivré. Le cuisinier est amoureux ou quoi ? Non, mais on venait tous les étés. Puis alors maintenant, vous nous reprendrez plus. Alors là, vraiment pas du tout. Mais d'ailleurs, plutôt qu'aller voir ton voisin, peut-être un petit. Quoi que non, si d'autres y sont allés et qu'ils les envoyaient chier, même, j'allais dire un petit mot. Mais non, en fait, ça sert à rien. Il en a rien à foutre. Bah ouais, non. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment. Quelqu'un de très seul, j'imagine. Vraiment pas à l'aise, quoi. Ouais. Tu le sens, toi. Oui, mais ça va, là. Ça va, les gens. Oh, ils sont seuls, alors ils sont malheureux, alors on n'ose pas leur rentrer dedans. Ça va. Je te propose un TikTok de Thibaut InShape qui devrait te remettre un petit peu. Voilà. Qui te remettra un petit peu sur les. Peut-être que ça peut être une solution. Juste, tu toques chez lui. Tu poses un iPad au sol qui lit le TikTok de Thibaut InShape et le mec, ça va peut-être le remettre dans le droit chemin. Normalement, oui. Hein. Normalement, oui. Moi, ça m'a remis. Moi, j'étais un peu tristoun, j'ai vu le TikTok, c'est bon là. Parce que le mec a l'air clairement d'être en dépression. Ouais. Bah, il suffit que Thibaut InShape lui dise rien à foutre de ta dépression. Il en sortira. Il voit son corps, il voit son intelligence assez évidente. Ouais. Il va dire je veux être comme ce gars, il va se reprendre en main tout de suite. Mais voilà, avant de te quitter, Quentin, je tiens à te raconter cette petite histoire qui est arrivée dans la ville de Sète, le 6 juin 2017, où une femme de 67 ans a été condamnée à quitter son appartement suite à une plainte de ses voisins gênés par les pigeons auxquels elle donnait à manger. Donc voilà, tu peux foutre. Ouais, mais c'est dur, c'est ce que t'essayes d'éviter, j'imagine. Oui, il y a parfois 10, 20, voire 30 pigeons sur les fenêtres. On peut pas se poser en victime quand on n'a pas cessé de troubler le voisinage, explique une représentante du syndicat de copropriété qui vote sûrement à droite. Voilà, écoute, on t'embrasse, Quentin, en tout cas. Ouais, merci. Tiens-nous au courant de l'évolution sur le Twitter. Ouais. Et avant de partir, est-ce que tu veux faire une petite dédicace à quelqu'un ? Oh, mais oui, une petite dédicace à Arthur, Tom, le prédateur, Hugo, Julien. Le prédateur, c'est qui ce monsieur ? T'as un ami dont le pseudo est le prédateur. C'est un ami que je n'ai pas envie de citer, mais c'est affectueux. Ah, est-ce qu'il est ministre de l'Intérieur ? Oh là là, bim dans tes dents, Darmanul. Très bien. Oh, t'as coupé, pardon, vas-y. Oui, pardon, le prédateur, le frotteur aussi, j'imagine. Le frotteur, le franc-maçon. Non, en vrai, non, c'est bon, j'ai tout fait, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, et puis la plupart sont auditeurs du podcast, c'est faux, j'ai énormément d'amis. Bon, très bien, écoute, on t'offre 2 places pour aller voir Les Visiteurs en Amérique, c'est un film Floodcast, j'espère que ça te fait plaisir, Quentin. Parfait. Non, bah, tant mieux, et puis merci beaucoup, on te dit à bientôt. Merci, bientôt, à ciao. Bientôt. Salut. Bye. Ciao. Bye. On va s'écouter un petit son, Adrien, il s'agit de Good Charlotte, et puis on se retrouve tout de suite après. On va faire les recommandations culturelles. Oui, ça, ça bouge pas. On a des choses à recommander. C'est le Floodcast. On est ensemble encore 10 minutes. Floodcast. De retour dans le Floodcast, on va faire les recommandations culturelles. Adrien, est-ce que tu as quelque chose à recommander à nos chers amis auditeurs ? J'ai absolument quelque chose à recommander. Encore une petite app, c'est ça ? Non. Le fou des apps ? Non, c'est un jeu vidéo. Alors, il est que sur PC pour l'instant. Putain, mais t'es... Allez, tu sais quoi, je vais recommander deux jeux. Allez. Voilà. Donc, le premier s'appelle Stacklands. Stacklands. Ok. Il coûte, je crois, 3 euros. Ça va. Ou 4 euros. Un truc comme ça. Ouais, 4 euros. Et en fait, c'est un jeu de. C'est assez compliqué à décrire, mais c'est un jeu de. Une sorte de jeu de gestion de village. Ok. Mais qui se joue que avec des cartes. C'est-à-dire, au début, t'as un deck, tu l'ouvres, t'as une carte villageois, une carte rocher, une carte arbre, une carte buisson. Donc tu prends la carte villageois, tu la mets sur la carte buisson, ça produit des baies. Ok. Tu prends ta carte villageois, au bout d'un moment, ça produit des baies. Ensuite, tu prends ta carte villageois, tu la mets sur la carte arbre, au bout d'un moment, ça produit du bois, etc., etc. Et tu peux, en déposant certaines cartes, à l'endroit dédié, les revendre pour te faire de l'argent, pour t'acheter d'autres decks que tu ouvres, etc. Et en fait, c'est juste un petit jeu qui est hyper bien fait et qui est un jeu de gestion de village qui a beaucoup plus de profondeur que ce à quoi je m'attendais en m'y mettant, parce que il est créé par un collectif qui était une de mes recos d'il y a longtemps, qui s'appelle Sock Pop Collective. C'est des mecs qui c'est un petit groupe de un petit studio de jeux vidéo qui alors je crois qu'ils ont arrêté ça, mais à une époque ils sortaient un jeu par mois. Ok. Et en gros si tu donnais à leur Patreon, ce que je fais, tu pouvais avoir tous leurs jeux gratuits. Donc moi je l'ai eu gratuit, celui-là, parce que je donne à leur Patreon, mais sinon on peut l'acheter sur Steam par exemple. Et ouais, je l'ai testé tout à l'heure. Au début j'ai perdu, j'ai fait bon, ça a l'air, je comprends pas là. Une ou deux fois j'ai perdu, et après j'ai fait une partie et impossible de lâcher quoi. C'est vraiment trop hyper intuitif, hyper cool, trop mais bien. C'est pas le jeu que Zerator commentait à Bercy là récemment? Aucune idée, mon pauvre. C'est une blague, c'est Trackmania. Ah, bon. D'accord, ouais, ok. Bah, tu vois à quel point t'es à fond dans le gaming. Et il avait des lunettes de soleil, en tout cas, ça j'imagine. Oui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de boomer dans le jeu vidéo. et sinon, un autre jeu qui s'appelle. Alors attendez, je vais retrouver le nom complet. Je trouve que c'est un jeu très Floodcast Core, puisque on incarne un singe. Ah oui, ah bah alors voilà. Mais pas sympathique, rassure-moi. Celui-là est très sympathique, ah bon, mais j'avais fait une reco d'un jeu qui s'appelle Ape Out, où tu es un gorille qui sort d'un labo et tu défonces des gars. Très jouissif. Je t'avais vu le Twitcher, je crois, de mémoire. Exactement. Ouais. Là, on est en termes de mood, on est à l'inverse. Donc c'est un jeu qui s'appelle Gibbon, Gibbon, G-I-B-B-O-N, Beyond the Trees. Donc là, celui-là, pour le coup, il est sur Mac, Windows et sur Switch. Et c'est assez simple, c'est plutôt un jeu genre plutôt relaxant, chill et tout. En fait, c'est un singe qui évolue parmi les arbres. Et en fait, nous, en appuyant sur une gâchette ou une autre, on décide s'il va s'accrocher à une branche ou alors courir sur la branche. Et en fait, en timant bien ses mouvements, etc., on évolue parmi les arbres de façon plus ou moins harmonieuse. Puis après, il y a d'autres touches pour faire des saltos. Puis des fois, il y a un autre singe qui arrive et tu peux lui prendre les bras. Et okay. En fait, c'est une question de timing. Et puis, c'est vraiment juste un jeu qui est relaxant, qui est très beau et tout. Et j'en suis pas encore là, mais il y a un fond un peu écolo. Okay. Où, parce que ça parle de, je crois, en gros, l'habitat naturel des singes qui est un peu détruit et tout. Mais après, voilà. Un des développeurs a déjà pris l'avion, donc est-ce qu'il peut vraiment ouvrir sa cancel. Gueule il est cancel pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est encore un jeu qui coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 10 balles. Bon, très voilà. Bien. Voilà, deux petits jeux sympas. Bah, je suis un geek. Hein, bah voilà, non, mais alors je vais rebondir parce qu'on en parlait en se moquant gentiment, mais moi j'ai regardé un peu la Trackmania Cup. organisé par Zerator. Et j'ai quand même pris, moi j'y suis vraiment un nulos dans tout ça, j'y connais vraiment rien, j'ai quand même pris une petite claque du spectacle que c'est. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et je trouve qu'en fait c'est une bonne porte d'entrée sur effectivement tout ce qui est e-sport, de voir un aussi gros événement. Il France... se porte bien l'e-sport d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Petit t-shirt ça. Il se porte bien. Je suis sûr que ça existe. Bah, si ça n'existe pas, évidemment, les amis graphistes, on a hâte de les voir. Non, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez. C'était quand même le juste milieu entre. Alors, il y a peut-être des fondus d'e-sport qui me diront que c'est n'importe quoi. Je n'en sais rien. Moi, en y connaissant absolument rien, j'ai trouvé que c'était le juste milieu entre énormes trucs et en même temps assez détente, avec des petites vannes, avec des petits trucs, avec un public vraiment à fond. Et vraiment, j'ai pris une petite claque de. Bah, donc, c'est possible, quoi, tous ces trucs-là. C'est assez dingue, quoi. Donc, moi, même moi qui n'avais jamais joué à Trackmania et tout, j'étais vraiment à fond. Quand je voyais les mecs ou les meufs rater les virages et tout, enfin, je sais pas, j'étais comme devant un match de investi, foot. Quoi. Investi de fou, quoi. Donc franchement gros big up à eux d'avoir réussi à organiser ça. Zera, ouais. On l'appelle Zera. Zera, bon, le Z, non. Ah non du coup, ouais, non du coup. Non non mais oui, effectivement, bravo à Zerator et toutes ses équipes, parce que vraiment j'ai vraiment pris une bonne baffe en pleine gueule. Je suis Chris Rock. Je vous le dis tout de suite. Je suis Chris Rock tellement je me suis pris une tarte. Mais alors, attends. Si t'es Chris Rock, ça veut dire que ce tournoi, ce serait Will Smith. Bah, c'est Will Smith. Non, d'accord. Ce tournoi, mais... l'intégralité d'accord. du tournoi le est même, Will Smith. Le même, hein, on parle d'un même. On y revient d'accord. sur ce même, ce satané même. Alors, tu sais quoi, j'ai même trois recos, j'en fais une rapide. Je suis allé voir Chris Rock à Paris. Mais oui, c'est vrai. Et bah, c'était vraiment bien. Vachement bien. Je serais bien allé le voir. Bah, franchement, c'était cool parce que je trouve ça toujours. Mais on en parlait dans un vieux podcast, on parlait de Bill Burr. Je trouve ça toujours fascinant, ces humoristes où je ne suis pas d'accord dans le fond sur la bonne moitié, mais que c'est tellement bien fait, bien expliqué, bien raconté que je dis, mais je suis tellement content que ce gars-là puisse raconter ce qu'il raconte, et c'est suffisamment bien écrit. Oui, pour... tu me disais ça de Dieudonné également. <c'était>... Bah, en France, l'équivalent, c'est Dieudonné. Non, non, mais j'étais. Enfin. C'est assez subjugant de dire ok, je suis pas d'accord, mais vas-y, la vanne elle est drôle et c'est ok, quoi. C'est pas comme d'autres humoristes, pour ne pas citer Dave Chappelle récemment, où quand il y va je suis genre ah, oula, je suis pas bien. Après ouais, après il y a aussi Dave Chappelle, on est plus loin dans le désaccord. Tout aussi, à fait, je pense. Non, non, bien aussi. Sûr, bien sûr. Bah en fait Chris Rock c'est un papa, quoi. Tu vois, il a 50 piges, donc il a un peu des trucs, il a divorcé tard et tout, donc il a 2-3 trucs, bon voilà, mais c'est quand même extrêmement drôle. Et non, Marocco, écoute, c'est sur Netflix. Alors c'est très particulier, je le conseille pas à tout le monde. C'est Norm Macdonald. J'en avais parlé. Son special à la maison là. C'est ça. Donc Norm Macdonald, c'est un humoriste. Alors c'est très particulier ce qu'il fait. Hein. C'est un peu du non-humour. Vous pouvez taper sur YouTube déjà pour regarder un peu ce qu'il fait. Vous tapez Norm Macdonald dans des late shows chez Conan par exemple. Conan est très fan de lui. Il le met toujours bien à l'aise. Et c'est très drôle. Il a un truc que j'adore. En gros, il raconte des histoires drôles de Toto. Mais comme si c'était un truc de stand-up qui lui était déjà arrivé, quoi. Donc tu vois, il fait, putain, la dernière fois j'étais enfermé dans les toilettes, donc il n'y avait plus de suppositoire, donc moi je prends quoi, des cartouches de flingue, bon voilà, c'est ce genre de truc. Et à côté de ça, il fait, enfin, c'est quelqu'un de très très drôle, il fait de l'observation. Et voilà, et donc là où je veux en venir, c'est qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Et avant de mourir, pendant le confinement, il avait répété un stand-up qu'il devait jouer sur scène, et il a fait 1h30 où il se filme vraiment assis devant son ordi, c'est Twitch hein, plus ou moins. Et il se l'était enregistré pour lui, quoi, pour voir ce que ça donnait. Non, mais c'était pas parce que genre je crois pas. Il devait le jouer et en fait il y a eu le confinement et il s'est dit que comme il était avant un stade avancé de la maladie. Je crois ça, que c'est ça. Hein. Peut-être c'est ça. Moi j'avais vu une bande annonce où c'était je crois qu'il disait il se savait un stade avancé de la maladie et s'est dit je pourrais peut-être pas le jouer. Parce que si c'est le cas, il en parle assez peu, ce qui est quand même. En tout cas c'est pas un stand-up. Testamentaire, disons. Non. Mais. Je crois qu'il voulait faire son dernier spectacle coûte que coûte. Ouais. Et il s'est dit, bah là, sur scène, c'est chaud, ça se trouve, je serais pas en état. Et il l'a fait en vidéo pour qu'il existe, quoi. Et donc, c'est très bizarre parce qu'on voit le stand-up de quelqu'un qui vient de mourir. Et en même temps, il y a des phases où, du coup, forcément, ça a un autre écho. C'est pas le truc le plus marrant de la Terre, déjà, parce qu'il a un humour particulier et que c'est pas toujours. Enfin, en tout cas, même moi, en tant que spectateur, tout ne me fait pas rire. Mais c'est assez dingue, quoi, de pouvoir assister à ça, d'un stand-up d'un gars qui savait qu'il allait, en tout cas quoi qu'il arrive, il était très malade, il le savait, donc voilà. Et donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en plus du special où il se filme tout seul, il y a une petite table ronde de gens qui viennent de voir le special et qui sont des amis à lui, à savoir Adam Sandler, Conan O'Brien, Dave Chappelle, David Letterman, David Spade et Molly Shannon. Et qui en gros débriefe un peu le spectacle, échange des anecdotes sur lui, pourquoi il l'aime, pourquoi il leur manque, etc. Et bah, si vous êtes comme moi, si vous êtes un peu passionné par les gens marrants, et ce, voilà, c'est super de pouvoir assister à ça, en fait, de gens qui racontent des souvenirs. Et en même temps, t'as des gens qui se posent des pures questions techniques, de David Letterman qui fait « Mais est-ce qu'il avait pensé à, devant un public ? Qu'est-ce que ça aurait donné devant un public ?» C'est vachement intéressant. Donc voilà, Norm Macdonald, j'adore le titre. En plus, ça s'appelle « Nothing Special ». Ouais, ouais. « Nothing Special ». Et allez, un dernier, parce qu'on est rarement que tous les deux. Sur Canal+, il y a le spectacle de Marina Rollman, un spectacle drôle qui, elle, est bien vivante. Elle est toujours là. Et son spectacle est sur Canal et c'est vachement bien. C'est très drôle, c'est très bien écrit, très bien interprété. Et en plus, la mise en scène et la lumière est magnifique. C'est vraiment un beau spectacle. Je sais pas qui a fait la photo, mais c'est vraiment très très beau. C'est shooté au Paradis Latin, qui est une des plus jolies salles de Paris. Et ce que j'aime beaucoup avec Marina, c'est que c'est des sujets de stand-up très larges. Mais elle met tellement de vivacité, les punchlines sont super bien sentis, et voilà, c'est toujours un peu nul de devoir vous vendre un stand-up, mais donc vous n'hésitez pas à regarder, ça dure qu'en plus 1h10 et encore il y a une petite intro, voilà. Et c'est un super spectacle, un spectacle drôle, je crois que c'est ça le titre, de Marina Rollman sur Canal. Bah voilà les amis, bah merci beaucoup. C'était cool. On se dit à la semaine prochaine. On a sauvé des gens et on peut se féliciter de ça. Au revoir tout le monde, salut, ciao. Flow de cast.